Ah bonsoir, c'est madame. Oui, c'est à nous. C'est à nous? Oui, tu me dis, Jean. Est-ce Jean. Que c'est à nous? Jean-Loup, oui, c'est à nous. Ok, merci. Non, non, laisse ça. Non, c'est bon, non, je prends. Sortez. Non, non, allez. Bonsoir. Ah oui, bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle. Ils arrivent, ils sont là, ils arrivent. Voici Sportal 742. Are you sure that's all you want? Oui, c'est sûr, c'est ça. Ils sont là ce soir, ils sont là. Sportal 747 ou 742? Qui des deux? 742. 7. Oh. 742. Oh. Ou 747? À qui est cette cassette? France USA. C'est quoi? Du foot, du basket? France, tu es sale. 742 ou 747? Oh, bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle. France, tu es sale. Ah, bienvenue à tous dans ce Sportal 742, comme Jacques a essayé de vous le dire auparavant, mais alors... Sportus. Effectivement. Oh, quelques instants, un match amical et en duplex avec Jackie qui est du côté du staff rugbystique du Racing Club. Non, Racing pas tout à fait. Club, hein. Je suis à Cardiff, hein, je crois. Hein, okay. Non, vous êtes au Racing Club. Ah bon. Écoutez, ben voilà. C'est pour ça que je ne vois pas de match parce que je suis à Cardiff et je suis étonné. D'accord. Il n'y a rien dans le stade. Donc je reviens. Je vous envoie un petit écran. Je reviens vers vous. It depends who's renting it. Yes. Vodka martini. Okay. Shaker. No. No. Cigarettes. Smoke. You smoke. France USA, you want? It's football. You fuck with me? No, no, with us. USA. Oh, chapeau rose. Eh bien, ce soir nous sommes habillés par les magasins. Par derrière, je dirais. Oui, oui, un peu. Habillés par derrière. Ensuite, bien évidemment. Oh, c'est magnifique. J'ai l'impression de me retrouver aux Galeries Lafayette à 18h45, très exactement, au moment de la vente flash pour les body en soie. Sportal 742 en direct, ouais, ce ouais, ouais. 11 novembre en 2011. Bon, Jacques, il faudra m'expliquer les choses. Pourquoi c'est pas un France-Allemagne? Pour ce 11 novembre, pourquoi c'est un France-USA? Pourquoi c'est pas un France-Allemagne? Les Américains nous ont sauvés. Nous ont sauvés? C'est ce qu'on dit quand même, hein. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont quand même un petit peu intervenus. Ah oui, mais le 11 novembre, ça concerne la Première Guerre mondiale. Ouais, mais c'est un peu le monde maintenant, j'ai cru comprendre, tout le monde se mélange. Hein. Mais vous voulez pas t'emmerder, hein. Excuse-moi. Tout est en bourse. Et oui, puisque effectivement, on va parler très vite de l'arbitrage, hein, parce que c'est, on le loupe souvent, mais là, on va faire honneur. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Eh bien, je suis jeune, je suis nouveau à TF1, je débute ma carrière et j'espère faire un très très long chemin dans cette superbe entreprise qui a permis à papa et maman, par exemple, de pouvoir se payer la maison et la piscine. Et donc, parlez-nous de l'arbitrage, un tant soit peu. Oui, alors l'arbitrage, monsieur, 1000 milliards de dollars. Ah oui, ce soir c'est du sérieux. Monsieur, 1000 milliards. On a rajouté de dollars pour ne vexer personne, mais c'est quand même déjà 1000 milliards. Voilà, ce sera tout pour l'arbitre ce soir. Il est assisté de personne. Il y a quelques banquiers et traders dans les secteurs. Mais si. Oh là là, qu'est-ce que c'est qui rentre là? Oh là là, c'est les Américains, c'est l'équipe d'haltérophilie qui t'ont envoyé. Je pense que les Américains se sont trompés. Ils ont cru que c'était les JO de Londres déjà. Et ils ont envoyé l'équipe d'haltérophiles. Oui, ou c'est le spectacle western, peut-être. Oui, Tex Avery. Alors, ils sont hein, tous les Tex Avery. Là, vous avez le tous les héros, le joujou. Bien sûr, Droopy. Bien évidemment, ils y sont tous. Hein. Ouais, le cat. Le cat, le cheval, tous les... Attention, voici les Américains. Avec Barack Obama. Alors, donc, pronostic hein, pour le Racing. On s'en fout des pronostics. Il aura 5 minutes de retard. Ça démarre mal. Hein. Là aussi, nous avons un petit problème de décalage horaire avec le rugby qui, normalement, aurait déjà dû commencer, bien évidemment. Bonsoir, madame, bonsoir, mademoiselle, bonsoir, monsieur. Oh, ça trime. Hein. Merci. Ah, ils sont là. Le logo de Satrim. Ouais. Vous savez, la banque. Annie, hein. Hein, c'est ça, Satrim. La banque. Et donc Clearstream hein, vous présente ce match extraordinaire. Ah tiens donc, non, c'est streaming que vous vouliez dire Jacques, vous êtes un petit peu trompé. Et c'est pour cela qu'on remercie bien sûr tout de suite notre super sponsor ombilical.org, ouais. Musique à gogo, musique indépendante, musique d'aujourd'hui. Prends ça au sponsor. Oh là là, quelle ambiance ici au Framf, corps de l'accueil qui se doit aux présidents américains qui vont donc jouer ce match. Ils n'attendent que vous, ce match avec, vous les voyez, tous les anciens hein, présidents américains qui sont là, Carter, Roosevelt, Clinton, Hamilton, Reagan, ils sont tous venus. Il y a Etienne Dow Jones, Ségolène Royal. Je ne l'ai pas vu du tout. Et là, bien évidemment, mouillé. Okay. Jusqu'au cou. Et vous trouvez ça marin? Ah mais quand même. Attention, l'hymne américain, mais on l'a tellement entendu dans tous les sports, sur tous les stades. C'est vraiment amené comme une petite pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Ouais, on s'habitue au théâtre, effectivement. Bon, la justice est pire que le foot. Quand vous allez dans une tribunal, c'est pire. Le côté théâtral, dramatique, institutionnel, académique. Ça, c'est fait exprès pour impressionner. C'est assez pénible. Apparemment, tu y es allé il n'y a pas longtemps. Toi, c'était par pure visite. Moi, c'était convoqué. Alors, maintenant, la main sur le cœur. Allez, la France et les Européens. La Banque centrale. Il faut remonter les déficits. Abyssinal. On va tous. Remontons l'économie. Allons chercher la croissance. Eh oui, merci pour cette hymne, messieurs. Toujours avec Radio Sportaz, l'instant clé. Oui. C'était un peu fermé là. Oui, attends, c'est nous. Coucou. Alors là, bien évidemment, l'hymne qui a enchanté des générations. Les États-Unis après la publication de ses résultats trimestriels, des bénéfices qui ont grimpé de 30%, le titre l'hymne français de 9%. Et puis on notera également les trimestriels applaudis de Nvidia. Il est mieux. Ça va mieux, les gars. Ça remonte. Beaucoup mieux qu'avant. Ça remonte. C'est bien. Allez, la France. Des pognons. Ouais. La croissance. Du pognon. Du trimestre. Ah, quel hymne français. Jacques nous appelle le Stade français, ça y est, hein, le Stade en France, pardon. Parce que le Racing Club de France. Le Racing Club de France. Et le Stade en France. Oh là là. Hein? Mais je ne suis même pas sûr que. Non, je crois que nous sommes où? Ah oui, le Stade du Racing est tout petit. 0-0, hein, merci. C'est pour la H-Cup, hein, premier tour de la Coupe d'Europe de rugby en ce 11 novembre. Ça va être difficile, hein. Nous avons deux écrans, deux matchs. Oui. Et ça va être un petit peu particulier. C'est clair. Avec la Marseillaise qui vient de terminer. Donc toujours 0-0, hein, puisque les hymnes, Jacques, ne marquent pas. Hein. On fait ça proprement. Hein. L'arbitre, monsieur 1000 milliards, qu'on aperçoit. 1000 milliards, hein, plus, pas moins. C'est sur l'autre télé, pardon. Et d'ailleurs, il n'est pas 1000 milliards. Hein, sur Canal, là, il n'a pas grand-chose, évidemment, cet arbitre. C'est pauvrecito. Oui, c'est pauvrecito. Il a sorti les vieux shorts et les vieux maillots de sport. Voilà, l'équipe de France de foot, donc avec Benzen. Peter Camara. Ah, il y a du nouveau derrière, regarde. Menu. Oui, ils sont là. Hein. Pense Tavila. À moi. Karim, pense à moi devant. Diarrhée chronique. Ribéryx. Enfin, plus, ils ont trouvé autre chose. Hein. Peut-être que Ribéryx, je pense qu'on doit pouvoir améliorer désormais quand même le nom de ce joueur. Ah bon. Mais là, regardez-les, monsieur Koukalakis. Coucou Lukakis, qui est sur la Grèce, qui est talonneur ce soir. Ouais. Magnifique. Ouais, mais c'est 1000 milliards de Koukalakis, d'accord. Alors c'est pour la photo. Oui, pour la photo dans ce temps-là, je suis à... Ah, ça a démarré, Jacques. Un Racing, vous avez raison, c'est un Racing. Racing avec, Club de France. Ah oui, c'est rugby, beau. C'est 15, c'est oui, Europe, c'est H-Cup. C'est H-Cup, c'est bon ce que tu me dis, Jacques, c'est bon. Attention. Continue, tu m'excites. Donc, Algior, Dempsey. Ah, mais tu regardes vraiment le match, toi. Beckham. Ah non, c'est la dur. Composition. C'est Thierry Henry hein, sera le seul. Tchutchuntinga. Téléspectateur de ce match aux États-Unis. Donc, nous avons d'ores et déjà le score. Big Bibul. Il est là. Do you know my life? Wait, okay. You know my wife? Tingle. And now, le pognon pour tout le monde. D'accord, on partage. Je vais jeter la pièce, vous jetez pas sur la pièce. Attention, hein. Lorsque le comte quittait le château. Vous êtes pas d'accord? Oui, c'est à moi le pognon, c'est à moi. Je regarde, c'est combien c'est là? Allez, ça va tout le monde. Tiens, la pièce dans la poche. Ah, merci Jean-Louis pour ce petit micro là. André, tu as gagné du pognon. Grâce au système micro intégré dans l'anus, notre ami Jean-Louis nous a fait écouter ce moment d'introduction de match. Vous êtes carrément dégueulasse. Est-ce que là on se. Oui, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes là, hein? Vous êtes le Francis, oui. Christian, tu es là, Christian. Je l'ai vu. Il est là, Coquin. Christian, qu'est-ce qu'il est beau. Ils sont là, ils sont lancés, hein, lancés du disque. Alors, donc. Et là, il y a une minute de silence, Jacques. Hein. Oui, alors, les gens vont me préciser pourquoi. Je tairai cette minute. Mais l'entraîneur. C'est pour la croissance, hein, je vous signale que c'est pour la croissance, la minute de silence. D'accord. On a perdu la croissance. Et on a perdu quelques pauvres aussi. Et donc, cet entraîneur américain, allemand. Jürgen Klinsmann, là. Non, et nous avons devant là sur la image. Ah. Oulala, le AK, c'est le AK, c'est pendant le AK, donc tout le monde sera quoi. Alors, qui est un joueur est au sol, Jackie, de votre côté, dans votre camp, juste à côté de vous. Hein, je crois que je vais venir voir le match avec vous là-bas, parce que le rugby, déjà, ça commence mal. Il y a tous les médecins qui sont là, et on appelle le bloc opératoire maintenant. Alors, il faudra me dire pourquoi ils ont c'est un. C'est fait démonter le cortex, visiblement. Racing Club, hein, qui a un sponsor, Natixis, il me semblait que c'était une banque qui avait coulé, mais. C'est pas bien au fait, des banques. ils ont gardé les maillots, ils s'en foutent. C'est vrai, ils les ont gratis, ils les gardent, ils jouent avec. Ils rentabilisent à mort. Allez, coup d'envoi, monsieur 1000 milliards, le time shift pour le match France-USA, match amical de foot, 11 novembre, 11 à la vôtre. Mm-hmm. Time shift. Et je persiste. C'est voilà, c'était propre, c'est merci bien. Jean-Loup, j'ai un 9. Ah oui, de notre artistique 9 et notre technique. Oh. Je mets 9. Si, c'était très bien. C'est parfait, le ballon est récupéré par donc les Américains qui vont passer avec Patton. Patton qui prend maintenant les commandes du jeu américain. Il cherche Montgomery, mais apparemment intervention du général de Gaulle. Non, ce n'est pas ça, c'est que la liaison à l'époque ne s'établissait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, tout simplement. C'est la guerre ici. Oui, c'est la guerre, arrêtez derrière, c'est la guerre. Battez-vous, Jackie, bravo. Battons-nous. Toujours, hein, le score est vierge un peu partout. Oui, là où nous sommes, nous essayons de nous répondre. Oui, c'est difficile. À défaut de vous répondre. Ce sera ce soir sans vos messages. Oui. Hein. Nous avons privilégié le direct. Ce soir, exceptionnellement, nous avons deux images. Ça, c'est bon, c'est épongé. C'était bon, ça? Ça, c'est bon, c'est réparé. Ça roule. Okay. Putain, et ça. Ça, alors. Ça, c'est quoi? C'est ça comme ça, les enfants. Ah, bah ouais, mais... Intervention française. Il a été. Je pense que le quarterback n'a pas vu. Il s'est fait saquer. Le Nijmegen. Oh. On va voir ça. Il ne le voit pas. Et là, oh oui. Oh, oui, d'entrée. 20 secondes de jeu. Nous avons déjà un premier joueur français molesté. Ah, c'est l'heure, hein, les amis. Vous entendez la pendule à papa, donc hein, je regarde un autre match, moi, hein, c'est ça. Vous Benzen, combien oui, Jacques, ce soir, il se passe rien sur votre terrain. Hein, ah bon, de toute façon, comment vous le savez? Je m'en doutais. moi, oui. Les ballons qui sont récupérés par la France, par la Bielouna, Ter Latinos. C'est un punto. Si. Comme. Donc, hein, comme on l'a dit, hein, c'est le seul téléspectateur aux États-Unis ce Thierry. Soir, hein, Thierry. Thierry en rage. En rige. Est-ce que Jacques a tout fait péter? Eh oui. Il a dit un mot vilain et tout s'est arrêté. Pendant ce temps-là, sur la pelouse, essaye de continuer du côté français avec cette petite. C'est sympa, c'est nature toute la journée. Attendez pour la pub. C'est vrai que là, c'est les USA. Hein. C'est une production USA ce match. Et donc, effectivement, on pourrait être interrompu régulièrement par de la publicité. Toca pour la France, 2 minutes 30 de jeu, 0-0 bien évidemment. Et pour l'instant, tout va bien. Oui, Benzen qui fait circuler ce ballon dans tous les moteurs, bien lubrifié. Oui. Ce matin. Ah oui. Rami. Oui. Oh, pas mal du tout, ça. Regarde-moi ça, en plein dans le supermarché, là-bas. Yes, magnifique, toi. Superbe petite publicité avec Piperi. Piperi, il monte. Piperito, et il y a un main qui perd de la balle. Ribéry, non, je... Robbery, robbery. On peut chercher, on peut fouiller. Rurberry. Ah, c'est pas tout à fait la région, hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien pensé quand même. Oh. Le ballon est récupéré par la France. Non, les Allemands, j'allais dire. Ouais, avec ce maillot blanc et ce short noir, j'avais l'impression de voir la Mannschaft. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a accepté Klinsmann. Un petit goût d'Allemagne dans cette équipe américaine. Qui défend. Défense. Des chants, you know, qu'est-ce qui se passe? Je vous vois souvent aller sous la table de mixage, là. Qu'est-ce que je vous vois faire dessous? Le ballon avec une petite remontée tranquille, mais intervention de Bocanegra. Bocanegra qui donne la balle magnifiquement maintenant pour Stéphane Pupers. C'est Jean Pupers qui s'est fait... Intervention de Monsieur Mille-Milliard. Oh, très bon ralenti. On a vu très exactement le ralenti au moment de la faute. Mm-hmm. C'est très pédagogique, ça, pour le côté technique du visuel. Jean-Loup, 25 ans de métier. Ah, ralenti de père en fils, Jean-Loup. Il faut quand même le savoir. Hein. Son grand-père était ralenti, son père était ralenti, et lui-même, parfois, il est un peu ralenti. Goodson, avec... Ah, effectivement, il y a Bridgestone au... Goodyear qui joue ce soir. Oh, il y a Goodyear, regardez-le sur la gauche, Goodyear. Comme il accroche bien la pelouse. Merci, Jackie, du petit coup de main pour ce France-USA. Qui démarre tranquillement. Voilà, Bridgestone. Flystone. Mais pas de récupération tranquille. Joe Frazier, pas mal, ouais. Joe Frazier qui a fait un crochet par Saint-Denis. Oui, par son cimetière, alors. On voit ça gentiment au ralenti. Paix à son âme, même. Oui, qui a combattu et battu. Surtout, il faut regarder. Le plus grand. Sur le rugby, il ne faut pas regarder le rugby. Parce que là, il y a de plus en plus souvent d'interventions des médecins sur la pelouse. C'est l'émission médicale, maintenant. Ouais, effectivement, la production de Canal Plus est en train de... passer sur urgence. Effectivement, ils sont en train de faire les rediffusions de H. Attention à ce ballon récupéré, je fais tout. Hein. La France, les États-Unis, l'Allemagne, le Racing Club de France, la Russie et bien évidemment Cardiff. Toca par la Magnègle, que des Junors. Bon, bien le ralenti de Ribéry, mais. On ne trouve pas, on va trouver. Ribéry, 5 minutes et 29 secondes, 30. Face à l'Espagne, effectivement, Ribéry s'impose, mais là, quand même, on est dans un autre domaine. Oh, pour les USA, Jacques, on peut quand même trouver quelque chose. Extraordinaire, oh là là, on le sort, l'entrée sur la pelouse, là c'est dramatique à Cardiff. À Cardiff, là, il y a eu un accident, un carambolage, mais c'est sérieux. Et on attend le bus à l'arrêt France, cet arrêt donc, qui est dans le quartier, la roupette. Absolument, non. Je vous l'envoie aussi. Cherchez-le, vous fouillez, c'est bien, mon ami. Cherchez-vous aussi chez vous un nouveau nom pour. C'est un jeu, oui, mais écoute, quoi, c'est une soirée c'est joyeuse entre ici. Nous, Ah là là. Carlos Rosillo, le président de Vélez. Tous les Carlos font pas rire. Font pas tous rire. Attention, ce ballon récupérado par. C'était Benzema ou Bernard Ménez. C'était Bernard Ménez. Bernard Ménez dans. Je les ai tous au talon. Je vois les références terribles du cinéma français. Vous regardez le ballon récupéré par la team tricolore et la petite fin de frappe, dommage. Bon, on était quasi dans la surface, mais il manquait du pied, voire du pied. Ouais, par contre, là, tu vois, il considère, monsieur Mille-Milliard, que le joueur américain a fait faute. C'est pas véritablement évident. Ouais, je pense qu'il endosse le chèque, là, quand même. Ouais. On regarde ça au ralenti avec Karim Pense à moi qui est bien. La prolongation de la tête, effectivement, avec un crédit. Et Bernard Ménez qui se déchire dans la surface. Ça circule pour Cincinnati. Il va y avoir l'ouverture du score ici à Cardiff, si vous me permettez de prendre l'antenne. Oh, pour cette H-Cup que nous suivons, pour nous rattraper un petit peu de ce mondial de rugby ici exceptionnellement bizarre pour Sportage 2011. Alors, tentative de transformation pour cette pénalité pendant qu'il ne se passe rien ou pas grand-chose sur le foot. H-Cup, oui, je dois dire H-Cup, c'est ça ? Non. J'ai oublié de dire H-Cup à chaque phrase. D'accord, très bien. Alors là, il va donc tenter la transformation de cette pénalité H-Cup. Et si ça passe, ça fera les trois premiers points H-Cup donc, dans cette confrontation. Il a du mal déjà, H-Cup a posé son ballon, H-Cup. Avec dans le côté gauche, la France, dans la jungle américaine, là, là-bas, dans le Colorado. Oh, il y a des ours. Non, il fait trop froid, mon ami, dans le Colorado, pour voir ce genre de faune, là, Jacques. C'est un drôle de faune, hein, d'ailleurs, je trouve. Attention à ce ralenti, Jean-Louis. Attention, ne le perd pas, ce ralenti, Jean-Louis. Oh, on a pas mal joué, j'irais mieux. Et Camero, hein, c'était Camero qui était... Galimero. À voir là aussi. Nous sommes en pleine recherche. D'ailleurs, on écoute le laboratoire derrière nous. Nous sommes effectivement en pleine recherche et les Américains chargent grave. Chéri par le teur. Et je vous confirme, donc, ici, combien? Putain, je m'endors, bordel, je veux venir avec vous. Je vous confirme, je vous mets un tir Discord, merde. Ici, 3-0 pour le Racing Club de France. H-Cup. Oh, je veux venir avec vous, H-Cup. Je cut, oui, H-Cup. La France en défense, mais c'est un 11 novembre, on peut se relancer tranquillement. Nous, un peuple lui aussi meurtri par l'histoire collective des malades. Des malades aussi. Avec, je dois poser une question, Jacques, pourquoi on ne voit plus l'équipe de France avec sa marinière, cette magnifique tenue qui lui a été créée par son équipementier et qu'elle ne porte plus? Je pense qu'ils ont été un petit peu ridiculisés, peut-être, je ne sais pas, ou ils en ont fait juste un petit côté marketing à un moment donné, et puis c'est passé. Oh, je trouve ça dommageable. Oh. Non, je porterai plainte. Tout cela a un coup. Oui, mais puisqu'il était fait lever, autant le mettre. Non, c'est des joueurs, tous ces joueurs ont un coup. Ah oui, oui. Une tête. Pas toujours. Des chaussettes. Ça, souvent, et continuons. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Il y en a d'autres. Remontée du ballon naturellement faite par. Avec Banque Populaire. Diaro. Banque Pop qui va chercher. Ah oui, voilà, là, il cherche la société. Le crédit lyonnais sur la droite. Oui, pas mal, c'est une introduction, là, en bourse. Regarde la banque allemande derrière, la banque allemande. Lehman Brothers. Trader Boris. Oh non, oh c'est dégueulasse. Oh, même en liquide, c'est lourd. Je veux dire, non. Rockefeller, no. Ah oui, yes, with l'accent. That was fantastical, Jack. Rockefeller. Excellent, ici, with Karim pense à moi, qui lui a loupé son contrôle. Et ça, c'est pas bien. Pourtant, il avait une bonne pépite. Oui. Une bonne pépite. Ce sera une touche au bénéfice de l'équipe de France. Je m'approche du micro pour pouvoir parler de plus près. Je m'en éloigne. On voit ça gentiment au ralenti, Jean-Louis. Merci. Merci de couper si promptement quand ça ne vaut pas grand-chose. Il y avait un truc allumé là-bas. Jackie, vous pouvez le rallumer, s'il vous plaît. Oui. Eh bien, oui. Mais attendez, je me cache un peu. T'inquiète. Il y a là, tout touche. Non, bientôt, non. Sauvado, dommage, bientôt. C'est là. Oh, il avait fait le plus dur et après, il s'est foutu. Il s'est foutu, Bernard Ménez. Ouais. Qui ne se sent plus dans le film. Il n'y est plus dans ce film. Il est sorti de la bobine, là, effectivement. Bon, ouais, récupération Chang. Allemagne. Ouais. C'est fou, j'ai l'impression que c'est l'équipe d'Allemagne, Jack, en face. C'est vrai qu'il y a un jeu rugueux, en plus, collectif au demeurant, moins technique peut-être que les Français, mais pugnace. Ah. Un petit adjectif nouveau qui vient de nous apparaître, qui sort comme ça, juste à la bord de l'hiver. Avec ce ballon remonté par le tricolore, 11 minutes et 39 secondes de jeu, 41 et 30, 42, 43, maintenant 44. Tout ça pour vous faire un petit time shift régulier. Toujours 0-0 entre les deux formations. Par contre, du côté du rugby, le Racing a remarqué en pénalité, ce qui lui fait 6-0. Voilà, nous vous tenons un petit peu au courant de tout. Et je vous rappelle que faut du pognon. En quelques instants, la suite de la météo, mais à la Réunion. La météo financière, bien évidemment. De toute façon, il n'y a plus que ça qui intéresse. On y va. Mauvais décrochage, merci Jean-Louis. On reviendra tout à l'heure pour la météo des finances de la plage de la Réunion. Vous êtes sûr qu'il y a tout là ? Il y avait un peu mélangé. Voilà, on est dans les pieds, mais non, mais oui, mais on veut y aller. On cherche l'exploit individuel. C'était Camero. En face, c'est mal joué. Oh là là. Là, je regrette profondément ce qu'a fait ce joueur pour vous, téléspectateurs. Je le regrette profondément. Il a joué à la russe. Non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Au V2. Par contre, au rugby, ça joue au rugby. Oui, je vous le dis. Maori. Qui fait le touche pour le France. France qui n'arrive même plus à faire le touche ici. C'est. Je lui enlève sa note de. Deuxième chance, mieux fait. Quoique là, le dégagement en retrait. Si, mais au moins, voilà. C'est bizarre. Non, c'est intelligemment fait. Dirais. Gère mieux dans le rond central, c'est la France qui a la balle. Alors, pour l'instant, bien évidemment, on est un petit peu coincé au niveau budget, donc on va essayer de vous commenter sans le son, sans rien du tout. Nous n'avons pas les formations. Alors, c'est un petit peu délicat. Va le récupérer par Clinton, apparemment. Bill Clinton ou George Clinton? Clinton, du pied, effectivement. Oui, pas oui. Du reste, du pied uniquement. Hein. Il touche le moins possible avec les mains. Oh là, il passe partout celui-ci. Oh là là, c'est en force. Ah ouais, c'est Bill Dozer. Dallas. Il joue à Dallas. Hein. Oui. On regarde ça gentiment. Oh, bon tacle français, mais oh là, Bill Dozer, là c'est quelque chose. On a revu tout ça. Maintenant, il reprend ce ballon côté droit. Oh, putain de touche de merde qui sert à rien. Ah, pourquoi ils font pas plus collectif quoi? Ils ont l'air un petit peu moins fluide qu'au début, ces Américains. Je peux demander tout de suite une analyse. Ah ouais, tu l'as par déjà fait. Le FBI. Ouais, puis va la faire toi aussi en même temps. Parce que là, quand même, non, tu es complètement. Hey, oh. Attendez, le touche ballon. Pour la France. Je pense qu'on a changé le ballon. Cette France molle. 0-0, oui, c'est vrai que c'était un peu. Ouais, ah, attention, voilà. Il est là, Schwarzenegger. Oh, Schwarzenegger qui s'est fait. Bon tacle français. Voilà. C'était Bernard Ménez, hein, Jacques. Voilà. Par contre, là, c'était, oui, mais voilà. Bonne petite balle pour les Américains sur le côté gauche. Ici, si on en prenait un pour, tu vois, pour. Voilà, nous chauffer les oreilles. Pour se chauffer tous ensemble. Non, c'est bon. Lil Harris featuring Lil Wayne. Il y a 6-0, m'indique-t-on, au Racing. Oui, je l'avais déjà dit. Donc, m'indique-t-on, c'est moi. Donc, si je comprends bien, vous recevez les informations. Merci, m'indique. 5 minutes après. Et le ballon est tranquillement récupéré par les USA. This man who are conquering the moon with the rim American. Hey, oh, do you hear me? G.I. Joe. Ah. Effectivement, il est costaud. Et yes. Regarde-moi ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Ok, Frank Sinatra. Oui, Frank. Sortie de. Mais oui, il fallait bien. Astaire, mais qui s'est déchiré. Ah, il fallait bien gagner. Hors-jeu, le français. Oh là là, ils arrivent à se mettre en position de hors-jeu là, comme ça. Voilà le hors-jeu de Guy Forget. Ah oui, sans problème. Sans problème, il est dans le couloir. Et donc, effectivement, il est hors jeu. Tandis que du côté du rugby, là, ça. Ça joue tellement rude qu'ils perdent même des lettres sur le maillot, c'est vous dire. Comme ça chevelurait, il était parti pour marquer le big man. Et je crois que l'essai est accordé. S'est-il passé encore, là, avec DSK et tous ces trucs-là et... C'est quoi cette histoire de texto? Nouveau concept. Et ben, entre SM et SMS, il n'y a pas grand-chose. Hein, ce qu'on appelle des textotérones. Ballon récupéré par Jacques, elle était préparée celle-là, mais là, on peut vous le dire, il se l'est fait en piqûre même hier soir. Il s'est envoyé en intraveineuse, sa blagouze. Ribériche a tenté tout, mais. Ribériche est de moins en moins, hein. J'ai l'impression que. Là, il a perdu en tout cas. De l'action, le joueur qui perd de l'action, Jacques, c'est un joueur qui perd de son capital. Et oui. De façon exponentielle, que font les courtiers. Mais, on pose la question. Et la législation. Avec le ballon, oui, remonté par la France avec des petites talonnades, tout ça, des beaux petits gestes techniques, ça n'est pas fini comme ici. Lobo, non, c'était pas. Ah, c'était gentiment fait. Qui l'eût cru, 0-0, pas vraiment d'action franche côté France, mais pas d'action sale côté USA. Pour l'instant, tout est dit. Ça fait une bonne formule que je m'en file immédiatement, voyez-vous, je me la prends en cataplasme. Ouais, joli tacle, joli geste défensif de la défense américaine. C'est bon, Jacques, vous l'avez rallumé ? Merci. Alors, nous avons une bonne petite tête française là, des vignerons du Luberon. Quel cépage ? Quel cépage, Jacques ? 76. 7 à 0. Je sais pas. C'est pas tout à fait le score, hein. C'est 7 à 6 du côté de. Alors qu'un joueur français a été taclé par l'homme invisible. Il a été taclé ? Ah oui, Jean-Louis, est-ce qu'on peut revoir ça ? Un joueur français taclé ? Bon, il y a une petite temps mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il en a pris une. ici peut-être, effectivement. Ah oui, il prend le coude comme il faut, pleine poire. Dans la carotte, oui. Ah, la carotte en pleine oh, face. Il a donné quand même lui aussi hein, du, oui. Ah, bah, c'est du le bras. Duel, le duel aérien. Oui, double bras, double bras. Bah, ah, ouf. Oui, il a dit, il comprend pas. C'est pas du tout ce que j'ai commandé au service. Et là, j'ai reçu. Pendant ce temps-là, je regardais un petit peu le rugby, là, ouais, je me taquinais là, parce que bon, quand même, ça se chamaille un peu, ça se fufu un peu, mais quand même. On a Chabal. Toujours 7-6. Ah, bah, il y a les deux. Il est rentré, Chabal. Oh là là, oui. Oh là là, disons. Cardiff, qui a marqué un essai. Absolument, Jacques. Ouais, Jacques. Merci. Merci à tous de nous aider à suivre. 0-0, 18 minutes et 10 et 11 secondes de jeu. France-USA, 11 novembre 2011. Vous êtes. Vous êtes. Puisqu'on vous le dit. Alors remonté par l'équipe de France avec two lasers, frappe parfaite. Alors ils ont le ball, mais ils font un peu n'importe quoi avec le cuir, ils se mettent même un peu en danger. Ça, faudrait quand même pas prendre l'habitude de le faire trop souvent. Oui, mais là ils savent qu'ils peuvent le faire peut-être face à une équipe en amical comme ça. Ouais. Une jeune équipe, laissons là être audacieuse face à un match amical, pourquoi pas. Écoute, Jacques, tu fais ce que tu veux, hein. Alors remonté par PRA. La France, bien sûr. Peu qui remonte. Hein. Ok, on remonte rien du tout. Pas dans les têtes. Hein. Dolchinski. Avec de France. Parfiaski. Profondors. Profondors, il ne joue pas Profondors. Avec Jean-Pierre François. Jean-Pierre François qui survivra, bien évidemment, à cette attaque. Non, car il va perdre le ballon. Eh oui, on en fait trop. On joue trop petit, trop minable. Et les Américains nous confisquent. Oh, au secours. Oh, mon micro. Oh, c'est Ribériche hein, qui fait cette petite faute. Hein. Mini, mais faute tout de même, joué rapidement par les Américains avec Sunset Boulevard. Les Américains. Yes. Je répare un peu. Détroit. Ne bougeons plus, ne bougeons plus. Oh, il est gentil peut-être, monsieur. 1000 milliards de dollars. Je sais pas, mais on revoit là le Heinz, le goût de Heinz. Sacré ketchup. Il y a fait dans la surface. Est-ce qu'on peut avoir ça, Jean-Louis, au ralenti ou est-ce que c'est trop cher? Ah, ils le vendent cher, les Américains, au ralenti. Ah, ça. On t'avait prévenu, t'as voulu faire le match. Double soupe. Je t'avais proposé le Costa Rica, t'as pas voulu, t'as voulu les États-Unis, maintenant tu payes. Hein. Eh oui. Que réjouir, le. Ouais, on peut réjouir, bien évidemment, on peut réjouir également. Le ballon est en touche pour l'équipe de France avec le PMU qui joue pas pour l'instant le très bon canasson, voyez-vous? Et pendant ce temps-là, le Racing a repris les devants, même si ça n'était pas terminé. Oh oui, oh, il avait fait le petit pont, il y a pénal. Il y a gros pénal. Gros, big pénal. Ah, yeah. Oui. Ouais. Les Américains ont eu cette occasion que la France n'a pas eue. Attends, il faut que je vois. Ballon recentré, oui, qui ne centre pas, qui centre. Clermont, qu'est-ce que pas très bon, oui. Clermont qui cherche Nice sous les eaux. On passe au-dessus, c'est bien les gars, continuez comme ça. Et dégagement magnifique de Ruth Hodger, autrement dit, Ruth Hodger. Callaghan pour Clint. Clint bien. Joe Freddy. Joe Freddy. Frank Zappa. Oh, yes. Okay. Freaks Brothers. Freaks Brothers. Et là, c'est carrément Freaks. Ah, oui. Ça circule dans le camp français. C'est pas mal. Oh, dommage. Oh, il s'est emballé. Sans ballon. Il a voulu la jouer à la française. Et du coup, ça relance bleu. Tout ça bleu. S'agite un peu sur la pelouse. Tout c'est vite, pas mal. Voilà, on y va, rapide. Les gars. Avec la Peugeot Citroën. Sandro, pas corner. Ah, même sortie de but, j'ai l'impression. Non seulement la défense ne craque point, mais en plus, elle s'en sort bien. Bien ce petit extra de Benzen, mais il n'obtiendra pas son petit coup de pied de corner, dommage. Parce que là, effectivement, une fois de plus, la bonne défense du capitaine américain, America. Attention à ce qui déficit. Qui colle au radeau. Ouais. Jeter le rat qui vient d'écraser. Effectivement, dégagement magnifique. Vous l'avez vu, ce dégagement financier de ce joueur. J'ai complètement abandonné le rugby. Ouais, alors que le rugby devient complètement fou. Il y a des changements de score toutes les 5 secondes. C'est extraordinaire. Récupération par les États-Unis. Subprime qui s'enfonce, qui s'écroule. Oh la merde. Au propre. Ah. Hein. On ne pouvait pas faire pire que cette merde de subprime qui a jamais été foutu sur le marché. Vraiment. Ah ouais, parce fallait peut-être y réfléchir avant quand même. Il y a le temps de réfléchir le joueur là. Non, arrête Jacques, arrête. Regardons ensemble ce qui s'est passé. Appelle-moi son coach. Un petit pont et puis ensuite, oui, le bloc complet. La France en double pied stéréo. Oh ouais, la magnifique sortie de Bill Clinton qui s'est rasé pour l'occasion et qui revient des Bahamas. Et ça prend forme, ça y est, il y a du niveau qui monte. Passer avec le niveau qui monte, et ce sera un bon petit point de chute du ballon pour les Américains. Une bonne touche ou un bon corner, toujours 0-0, mais ça s'affole. Ça s'affole, il y a du jus dans la guibole. Ça s'affole. Bravo Nicole. Merci, 0-0 tout de même dans cette partie amicale, m'en vôtre. On a presque le générique derrière, dis donc. Excusez-nous. American Drive. 23 minutes de jeu ici au Stade de France. What's happening to the two team? To the two team. Sporters 7-4-2 en direct live improvisation. 23 minutes 35 secondes. Yes. Voilà. Ballon dans les pieds américains, mais il a en fait trop et finalement il récupérera le coup franc signalé par monsieur. On est une quarantaine de mètres du camp. Je pense que c'est une erreur. C'est monsieur Émile Milliard, Jacques. Je pense qu'il vous, il vous manquait la première lettre et vous avez balancé ça comme un américain, quoi. Mile Milliard. Non, c'est ça, Camille Milliard. C'est Émile Milliard. Ok. Attention, coup franc pour les Américains. Avec General Lee qui transmet parfaitement. À vous les receveurs, à vous. Et Terry Salavas qui n'était pas là. On récupère côté gauche avec Ribéry. Ribéry qui cherche BNP. Paribas. Mais combien on t'a banqué pour? Le ballon est dans les pieds de la France. Il veut faire frapper maintenant. Oh, le France. Il pouvait pas, de toute façon. Ça allait être contré. C'était couru d'avance. Tentative de débordement. Ouais, et touche. C'est joué, rapido. Rapido, France. La surface, c'est la faute. Elle la tient. Ah. Émile Milliard, il plaisante pas. La falta. Ralenti, ça nous fait. Pour l'instant, là, tout ça va, mais bon, après. C'est difficile, toujours, à négocier. Quel difficile métier que celui d'arbitre de foot en ce moment. Et ça depuis la nuit des temps. Arbitre de foot, c'est un métier. Faut les avoir bien accrochés. France USA. 3A. Considéré comme l'un des meilleurs experts de droit constitutionnel. Sporters. Ah ouais, l'expert. Attention, c'est coup franc pour la France. Et gol. Non, mais comment est possible? Récupération para. Voilà Pépère qui met tranquillement derrière pour partenaire. Aïe. Toujours 0-0. France-US. Ah! Et attention ce petit côté droit. On a peut-être senti une faille dans les collines ou je ne sais pas. Hein, on essaie de devenir clandestin dans la moitié des terres américaines. C'est pas facile avec ce ballon qui est négocié. Bien centré, goal. Premier poteau. Ribéry. Il part bien centré. C'était bien vu. Ça aussi, mais c'est à côté. Pas goal. Et que non, pas goal. Qu'on voit le lancer de poids. Magnifique. Le roumain. Papa Nekaniakou. Oui, non. Faites plus simple. Antechou. Attention, c'est dégagement par America. America! Dégagement parfaitement exécuté de la part du portier américain qui n'est autre que, je vous le rappelle, Bill Carter. Encore un petit polonais du fameux seuil des 7%. Très bien. C'est important de le rappeler, le seuil. À combien nous en sommes d'ailleurs, nous tiens à propos de seuil sommes-nous seuil ce soir? Alors Le ballon est en touche. Et au rugby, tiens, 19 pour Cardiff qui s'est requinqué, 23 minutes de jeu et qui attaque Cardiff, qui défonce tout. Vous êtes 7 milliards, nous écoutez. Ah, bravo, 7 milliards. Même toi, le petit dernier. Marché financier. Ah oui. C'est vraiment le petit dernier, lui. Le ballon para Etta Juni, magnifica combinación, magnifica, adorable, tout, maintenant si, il fait americana, tout. Americana. Mais qu'est-ce qui provoque. Ouais, bonne frappe. enfin, bonne tentative et bonne défense. Je veux dire, l'acteur, là, il joue bien la bonne frappe. Il s'appelle Bonne Frappe. Du côté de la défaite. Attendez, madame, attendez. Non, non, du calme. Non, non, relevez-vous, madame. Les Américains se jouent maintenant même vraiment de la défense française. Oh là là, oh là là, oh là là. Francia, défends-toi. Oh, corner, corner, hein. Ça ferait du bien, un petit coup américain, là. Paf, de la tétoune. Oh, cette action du docteur House, qui perd ce ballon dans le bloc 22. Ah, et puis finalement, ça fait mal. Henri Berruge. Les avocats. Yeah, ce sera donc un bon petit corner, me semble-t-il, pour les Américains qui prennent 18% sur cette valeur, une valeur sûre donc, qui affole le marché depuis 2-3 jours maintenant. Attention à ce corner, le corner, une valeur sûre. Oh là là là là là. Maman Nina, première OPA. On a vu le prisonnier donc, de l'équipe de France. Le prisonnier fantôme. Fantomas, donc. Effectivement, on l'avait très peu vu, Cliboris, mais c'est justement c'est ça. Jacques. La France, ouais, la France, la tête de la réparation, le ballon en retrait. Non, coup de pied gauche, mais si gauche qu'il ne passa même pas. Il fut contré, en tous les cas, ouais, il aurait peut-être pu tenter sa chance tout seul. C'est peut-être un peu le truc en trop du côté français. On veut se faire la dernière passe, la dernière petite faveur, le dernier petit. Ouh là là, il fait peur, hein, Cliboris, comme ça, dis donc. Allez, la France qui emballe le match en cellophane. Mais ça ne suffit pas, le cellophane. Et ça ferme en plus le jeu, Gouffrand, mes petits Gouffrands merdiques. Loin, Gouffrand pourri. La France qui fait la pelouse. Alors que l'équipe de France rencontrera l'équipe de Plastic Bertrand en match amical de foot, hein, je crois, lundi ou mardi, je ne sais plus. On ne peut pas être partout à la fois. C'est une France belgique. Comprenez-nous. C'est pour ça que ce soir, nous sommes un petit peu à la fois sur Cardiff. Et l'USA. France-USA. Ah. Oui. Francia. Ça y est, un peu de jeu avec Bernard Ménez. Hein, qui continue de foler les... Cherche Claude Riche. Tire de Riche, mais... Non. On ne fait plus jamais ça. Jingle. Catastrophique. Sportage. Comme se dire. On écoute telle radio ou telle autre et on se fait un avis en écoutant plusieurs radios, en lisant plusieurs journaux. Radio. Sportage. On court à la catastrophe. Mais non, c'est un jingle alarmiste, terriblement alarmiste. Un petit peu, je crois, il est un petit peu sujet à une légère immersion dans le monde. Ah oui, il a été remis en question, effectivement, lors de la convention internationale des jingles indépendants. C'était à la haie. C'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Tu as tout à fait raison. Ah, il y a téléphone. Jackie. Oui, sur BFM Business à suivre. Et ça continue. Oh, c'est terrible. Attention à cette petite balle. Le mal business continue, Jackie. Vous avez fait des dollars là, hein, pendant que vous regardez le match, vous faites quelques dollars. Oui. Et des roublards aussi, bien évidemment. Oui, bien sûr. Des yens. Je vous avez des yens. Hein. Oui, des yens, un peu. Vous avez raison, Jacques. Et pesos. Toujours dans les pieds des Allemands. Les Allemands magnifiques sur la pelouse. Et sans intervention de monsieur 1000 milliards. Et 1000 milliards. Hein. Et 1000, bien sûr. Avec Francia, blanc. Rien du tout. Aucun affolement dans la défense américaine. La balle pour les blancs, effectivement. Alors ça doit être un petit peu décontenançant hein, pour les joueurs bleus. Hein. Ils jouent pour les blancs, pour blancs ou contre blancs et avec blancs. Tu crois qu'ils ont la cervelle à ça hein, très sincèrement, tu crois qu'ils ont à ce moment-là du match la cervelle à ça alors que les Américains développent un jeu tout à fait sympathique. C'est vrai que ça devient. Même s'il n'est pas très rapide, il est aéré, agréable à regarder. Attention, le fantôme du but français. Il est sorti, il a dégagé ce ballon très très loin. Il a pris de la vitesse malgré tout, il est ralenti. Oui. Par Benzen hein, qui reprend du souffle. Vous aussi vous en reprenez du souffle. Pied qui vient derrière. Allez, on joue. Ouais, 0-0. Hein. Faut pas dire qu'ils ont envie d'en faire plus non plus. Je veux dire. Si, ils essayent. Mais les autres, ils mordent au mollet. D'accord. Les attaques. Ils sont bien placés alors. Ils sont physiques. Ils leur font mal, ils leur font bobo. D'accord. Ils ont déjà couru, regarde comme ici avec Bernard Ménez qui a fait une connerie. Son réalisateur va le virer. Mais les Américains n'en profitent pas, hein, ou guerre, ou peu, ou point. Avec le Jérôme Mathieu. Virgule. Montée française, alors on y va avec les grands magasins. Là, vous avez le sponsor tout autour du stade, rien que pour vous. Si, está bien, Benzen. Non, Ah, pas central, c'est bien. Il a hésité à prendre le pénalty ou à garder la possibilité de centre. Ouais, pas mal, Giroud. Ah, il se demande est-ce que je tombe. Non, finalement, je peux centrer. C'est mal fait. 0-0. Oh merde. Allons, reckon with John. Pinaway. From Roosevelt. Non, désolé. Pardon. American way of life. Yeah. For desire, clever land. I have a dream. Take away. Take away. Very good. Very good. Take away, motherfucker. Tout le monde rigole dans le studio. Take away. Lol. Ballon en tout touche. Pour l'América, bien oui, sûr. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde, ça vient, ça revient. Oh là là. Ça vient passer, c'est tir, bébé. Mais il s'amuse quand même, Pépère, là. Si dire Pépère, je veux dire, à un moment donné. Là-bas, on fait les feintes. Regarde ça, comme il embarque. Oh, il est presque gêné par son propre coéquipier au moment de la frappe, c'est te dire. Manquait pas grand-chose, effectivement. Ouais, il n'a pas tout à fait cadré son tir, mais. Par contre, il pouvait même donner son petit ballon au partenaire, là. Très malin. Remontée de la France qui est toujours donc avec un A de moins sur le pelouse ici, en tous les cas, qui n'a plus que de A, comme Abruti et analphabète. Avorel. Varis, bien évidemment aussi. Oui, à vous, Jackie. score Racing Club de France contre Cardiff en H-Cup de rugby, premier tour de Coupe d'Europe. Oui, redis-moi ça, Jacques. Non. Redis-moi ça, HK peut y avoir un essai en direct. Là, essai, je t'offre un. Pourquoi? Comment tu le sais qu'il va y avoir un essai? Comment tu le sais? Il va y avoir un essai en direct. Oh, il y a un essai en direct. Oh, Gogol. Oh, Gogol. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a? Une mêlée de l'autre côté. Oh, le, c'est fou. Oh. Presque un essai aussi. Côté bien, voilà, foot. Hein. Donc, essai du côté. D'accord. Excuse-moi. Vous enverrez le score hein, juste après, pendant que. Essai encore. Effectivement, Claudia Clinton va jouer ce coup franc. Bien frappé ce ballon. Pas mal pour. Et pour il arrive. Alors, beaucoup ce soir. Avec, oui, la remontée. Sur, oh là là, mais il est fou ce type. Il faut l'engager immédiatement, le naturaliser, qu'il pas joue mal. Pour l'équipe de France. C'est pas mal. Chicago, hein, on regarde cette action forte. Chicago. Il en veut. Il en va mort du Chicago. Effectivement, Illinois, vraiment. Alors, Jean-Louis, c'est un corner. Mais c'est sympa de me le dire dans l'oreille, Jean-Louis. C'est donc un corner. Et un bon, pas mal. La France sous pression et intervention. Le ballon est sorti. Et ce sera donc une remise en jeu tranquille pour les Français, mais qui souffrent. 35 minutes, 31 secondes, 0-0. C'est tout vierge. C'est pourtant un match un petit peu excitant au départ sur le papier. Ouais, sur le papier. Un match excitant sur le papier. Non, vous n'êtes pas bien. Demain, je vois ce que vous faites. Il va se branler aux choses avec l'équipe magazine. Parce que pour l'instant, ils ont la possession de balle tout de même, malgré quelques velléités américaines par le 5e avenue. Oui, vous êtes bienvenue. France, avec une remontée, ça y est, peut-être ici, oui, on trouve quelques espaces. Jean-Christophe, oui. Tu vas chercher. Ah, non, ben là, Albert, non, Albert, non, Jean-Christophe. Tu en fais trop, Jean-Christophe. Albert qui tire au-dessus. Mais belle action, Bernard Menez tire et Ribériche pleure. Ah ouais, c'est lui qui avait fait tout ça, là, qui était devenu complètement fou sur cette pelouse. Jean-Christophe. Bon, pas tout à fait largement au-dessus, ah non, mais au-dessus. Ah non, ça frôle, regarde. Ça frôle ? Ah, ça frôle rien du tout. Ça. Ouais. Vous êtes vraiment très frôle, vraiment. Attention, il est là le fantôme. Oh, on le voit même pas, on le voit même pas dans la tribune, regarde. Il se confond avec... Il se confond, il se fond à fond. Ouais, c'est ce que je disais, il se confond. Le ballon est donc... démerdez-vous tous les deux là. Le ballon est en... dans cuir. Américain est en cuir. En cuir. Température du ballon 39 3,14. J'ai vu pire. Ah oui, 3,14 seulement. Donc pour la température du ballon, c'est qu'elle n'est pas très. Excusez-nous, nous avons un stock de mots qui vient d'arriver. Donc nous avons enrichi en quelques syllabes et quelques phrases ce commentaire de ce Sporta 742, 742. Bonne heure de vol quand même. Ouais, ah bah non, ça fait que même pas 40 minutes là. Vous êtes, écoutez, peut-être plus finasse, nous avons à la rue. Nous avons décollé avant le direct, comme vous le savez. Excusez-moi. Alors, avec une transversale, très important la transversalité en football, c'est ce qui peut déstabiliser bien sûr l'adversaire, l'équipe qui est regroupée au centre, qui t'empêche de passer le rideau. Oui, parce qu'on considère déjà que le ballon va plus vite que le joueur de toute façon. Tout à fait, c'est le rideau défensif bien sûr qui est un peu lent pour aller rattraper le ballon de l'autre côté. Très bien, ta bonne analyse. On revoit ça gentiment au ralenti. On étaye Jean-Louis. Gamero. Oui, un coup franc donc au bénéfice de l'Américain qui peut se relancer. Qui se trouve des espaces dans la moitié de terrain française. C'est abominable ce qui se passe ici sur le pelouse de Saint-Denis. Absolument abominable. Et avec tombé pour la France là en profondeur. Mais Etienne Dao Jones, qui fait un bon travail. Mais bon, qui ne récupérera pas ses dividendes. Ses dividendes étant le ballon au demeurant. Intervention bizarre, étrange. Heureusement que le bras est gauche. Ouais, heureusement que l'Europe est en paix. Mais ce n'est pas France-Allemagne. On regarde ça gentiment avec Bernard. Qui... Oh, j'en peux plus. Merci, je vous en renvoie. Ouh là là, attention, ça a changé du côté de... Des pépites. Ça a changé, j'ai l'impression, du côté de Cardiff avec le score qui a enflé. Ça enfle. Ah, il a enflé le score. Ah, oui. Pour le Racing, oh, 14 à 10, hein, on m'indique. Merci. Oui, vous avez d'ailleurs l'heure sur le visage du gardien qui s'affiche. C'est la nouvelle technique avec une bonne frappe, mais à l'intérieur du mur, donc sans real danger pour les Américains. American qui est le relégage maintenant et qui passe par le Missouri. Motorola. Oh, yes. Budweiser qui n'aura pas le ballon, merde. Et le fantôme des buts français qui dégage. Ouh, il est tout, c'est terrible. Il fait peur, on dirait un vieux goal russe du nom de Yashin. Mais tous les 0-0 ne valent pas tous les 0-0. C'est impressionnant, yeah. Oh, dégagement. Oh la jet, nous rentrons dans les. Dans les derniers 0-0, hein, oui, pour le 0-0, hein. pas plus, j'en veux pas plus. Hein. Ah non, j'espère bien qu'il y aura un but. Ah non, ça va pas rester à 0-0. Oh, juste une mi-temps alors, hein. Ou juste la première. Hein. Juste, oh non, pas plus de 0-0 là. Oh, j'en veux pas plus. Oh non, merci. Oh. France-USA. Et toujours pas de but. Toujours pas de but. Toujours pas de but. France-USA. Oh, France est sale. Merci Jean-Loup pour ce remix as fait. C'était Marbella. Hier soir, effectivement. Il était 23h33, je me rappelle. Arrête. C'est l'en mix. Rien qu'il danse, ça. Porta Zaira, Dance Floor, vous le savez, nous sommes en tournée toute l'année dans toutes les villes du monde. Spontaneous Dance Floor. Avec le ballon rongé par l'équipe de France, Dance Floors World Ass. Mais on va faire l'American un peu ce soir, once more. Oui, avec le ball maintenant dans les pieds de l'équipe de France. Oh là là, il a fait le super coup. C'est vrai que c'est plutôt Caraïbe, là, un petit peu le jeu qui est développé par les Africains de France qui sont pour les Bleus une grande qualité, une grande richesse. Je souhaite bien du plaisir au rugby là pour accorder ou non cet essai. Marqué par les Gallois, un essai qui semblerait wallable. Waouh! Et gratuit surtout, est-ce qu'il touche avant? Non, il est bon! Oh, goal! Bleu comme les bleus, blanc comme nos amis américains, peut-être pas tout à fait sur le niveau de planète que nous vivons actuellement. L'intelligence collective, on peut le dire, est un petit peu à mal devant cette économie qui va si mal. Pendant ce temps-là, Jacques, sur la pelouse. La France a quel centre? Nobody. Nobody. Aucun n'avait su. Quelle tâche! Quel tas de cons le paillet allé! Personne ne veut mettre le but. Ah, oh, si, non, mais c'est. Qui va prendre ses responsabilités? C'est une faute professionnelle de ne pas s'être trouvé dans la surface à ce moment-là. Qui va faire la différence? Les USA ou la France? Qui va faire la différence? Moi, je vais faire la différence. Arrêtez immédiatement. Qui fait une information. La différence. Qui va faire la différence? Yep. Yop. La différence. Qui va faire la différence? Yep. Yop. Yep. Oh. La différence. Écrasement. Différence. Ah ouais, c'est chiant. Monsieur Émile Milliard qui regrippe tout le monde, le conseil d'administration, le grand arbitrage qui se réunit. On va négocier, on va discuter. On y arrive. Voilà, ça y est, c'est réglé. Le problème est réglé. Le joueur revient pour 1 250 € seulement. 1 250 €, le joueur réapparaît. Il y a un essai, Jackie, mais on vous rappellera plus tard. Parce que. Mais je vous l'ai annoncé l'essai tout à l'heure, je vous l'ai dit que pour le juger cet essai, ce serait très difficile. Et ça a été très long. 0-0, ça n'a pas bougé. Côté footballistiquement parlant. Non, mais bon, ils se sont un peu quand même un peu tenus. Ça nous a remonté le moral, le score, mais le moral. Jürgen, l'entraîneur tout à fait fier de jouer ce soir. À l'américain. Au Stade de France, nous sommes, à Auxerre, à Nantes, à Saint-Brieuc. On est où, Jackie? Moi, je suis à Cardiff. Vous, je sais pas, vous, j'en sais rien. Plus. Moi, je suis à Cardiff, oui. Ouh là là, où ça saigne. Ça saigne terriblement quand je dis je suis à Cardiff. Bien sûr, je suis avec l'équipe de Cardiff dans le stade du Racing Club de France. Oui, bien sûr. Bien sûr, hein, vous avez compris. C'est ça, ouais. Je vous retrouve tout à l'heure à Bordeaux. Sombre héritage oui. Bordeaux. C'est vrai que on s'est enrichi. C'est un léger vin, sombre héritage, peut-être. sur l'esclavage. Alors, les Français. Mais bon, tu fais bien de le dire. Ballon remonté par l'équipe de France. Mais petitement, ils ont peur. C'est la petite France, effectivement, hein, celle qui n'a pas lâché le gourlut. Là, peut-être avec Benzen, Ballon. Oui, tout seul dans la surface de réparation. Il fait faim. Le maillot du Real, ouais. T'aurais foutu peut-être dans ou l'homme. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu veux quoi? Tripoter la balle, c'est ça? La pelota. Ah oui, il y a eu quand même un petit coup défensif. Hein, de. Mais bien évidemment, mais c'est là qu'il doit. Là, de suite, le lob, là, de au suite, premier coup, là. Là. Oui, bah oui. Ah non, c'est lui qui se la pousse un peu trop par la cuisse. C'est pas vrai. Si, sûr. Bon, on ralentit c'est avec ce corner vrai. Français. Attention. Pour rêver Ribéry. Réveli, alors. Uniquement, hein, il ne joue plus depuis longtemps, mais pour Réveli. Et le ballon qui est français toujours, mais c'est la mi-temps. La mi-temps qui vient toujours au petit déjeuner. Allez. Oh là là, quelle honte. On a loupé une finale de Coupe du Monde de rugby pour se taper des trucs comme ça. Tu te rends compte? Je me dégoûte des fois. Merci. J'arrive. Le rugby, tout le monde s'en fout alors. Oui, Jackie, un point rugby. C'est marrant, ils ont commencé après, ils finissent après. Mais presque en même temps. Attention, attention, paracardif. Le score, Jackie. Le score. Eh bien, waouh. Ouais, ils voulaient le score. Vous en voulez encore. Hein, qui est le plus fort? Vous voulez le score? Allez, c'est la mi-temps au stade. Hard score. Du Racing Club de France qui est mené de 3 points, 14 à 17. Bravo. Jacques, ce soir, il veut pas dire le 7. Il veut pas. Le 7 le gêne. Il veut pas le dire. Mais heureusement, France-USA en amical de foot 0-0. C'est la mi-temps aussi. À nous, la mi-temps. Il y a un film. Jean-Louis, t'as pas un bon film là pendant la mi-temps? C'est intelligent. Ah, ça me fait gagner du temps pour la suite après là. C'est que j'adore, qui est magnifique. Il y a l'école. Chocolat suisse, les. Sportaz. Association. Je suis amoureux. Radio. On parle un peu du Sportaz. Bien sûr. Direct. Podcast. Streaming. Podiffusion. Les deux qui m'ont particulièrement frappé. Sur Radio Sportaz. W bouge. Move your goal. Let's go. Bouge. Radio Sportaz, rire et champion. Sportaz 742. Eh bien, mi-temps. J'aime beaucoup ton short. Cinq et quatre millimètres d'altitude. Beaucoup de monde autour de vous, Sabrina. J'imagine que le public est en train de vous regarder faire votre point. Ouais. J'en ai fait pas mal. J'ai un peu je sais faire la pâte à crêpes, je sais faire la quiche lorraine, tout comme ça. Après, bon, c'est difficile. Jean-Louis, on a un problème, on n'a pas les questions d'interviewer Jean-Louis. Jean-Louis, tu nous recales, il n'y a pas de questions. D'accord. Ce soir, c'est un match sans question, effectivement. Il n'y avait pas de problème particulier entre ces deux équipes diplomatiquement. Pourtant, on se pose des questions, quand même. Oui, mais en économie, pas en football. Entre la France et le USA, on ne peut pas dire qu'il y a des grandes questions qui se posent encore moins. Par exemple, est-ce que le niveau des deux, c'est un petit peu resserré, bah. On peut poser cette question-là, tu vois, par exemple. C'est du niveau des Galeries Lafayette. D'accord. Non, mais je voulais te donner un exemple. Préparation très très importante et vocale par Sabrina Wishboard, qui donc prépare cette équipe américaine à faire peut-être un exploit dans cette deuxième mi-temps. On n'en entend pas tant, mais ce serait épatant. Ben, disons qu'elle est pas loin quand même, hein, à 0-0. Il y a eu un pénalty refoulé. Un pénalty refoulé. Ah oui, c'est plus que refusé. C'est refoulé. c'est vraiment. Il est nié par l'arbitre. Il existe, mais il est nié par l'arbitre. Il est refoulé. Eh oui. On est pour le bleu. Enfin, du côté du public. Le stade est magnifique. Regarde ça. Voilà. Bel esprit, cette image au moins. Ah, là aussi, 710. Hein. Non, c'est pas le 710 pour toi, Jackie. 742, Jackie. Jackie, c'est moi. Jean-Louis, c'est l'autre. 742, effectivement. Donne-moi ton score, baby. Ah ouais. 0-0. France-USA, 11 novembre, 11. À la vôtre. Ouais, oh, bah alors écoute. Allez-y, finissez derrière, de toute façon ça n'a pas commencé donc. Oui, autant en profiter, allons-y madame ça. Il arrive l'homme à Garadine. Oui. Il remonte son col ou. Oui ou. Blanc cassé. Les Américains. Les Américains, ça fait deux fois ça t'échappe. Oui, les Américains. Je le sens bien. Ah, les Américains. Il faut que vous sachiez que Jacques a quand même fait une petite shift, maison. C'est passé pour la deuxième mi-temps. New Jersey. Oui. Il n'y a pas que des pelouses. Oui, il a mis tout son coton. 45 minutes 49 et 10 secondes. Ah, mais déjà. Tudut. 45 minutes sont passées déjà. Et pendant ce temps-là, au rugby, ils ont déjà repris. Tu vois, je veux dire, ils finissent avant. Ouais, ils reprennent avant. Après. Enfin, ils finissent après. Ouais, ils finissent après, ils reprennent avant, effectivement. Alors que ce sont eux qui endurent les plus durs impacts, la plus physique. Oh là là, qu'est-ce que c'est les lucioles là, qui s'entraînent sur le foot. Regarde ça, ils se confondent avec la pelouse, on ne les voit pas. Fais le flou avec tes yeux, tu verras que. Ils sont tous en vert fuchsia. Vert pelouse, quoi. Ouais, fuchsia, c'est pour. Le ballon est remonté par minablement. Là, avec un double rétro, mais apparemment la queue a glissé entre les mains du snooker. Et ce sont les Américains qui repartent comme ils étaient revenus, c'est-à-dire avec le chewing-gum, le Coca-Cola, la fleur au fusil, ils attaquent. Winchester qui se fait embarquer. L'esprit américain avec Rockefeller. Rockefeller. Il va chercher Abraham Lincoln qui monte magnifiquement. Mais la France se bat avec Vichy. Jimmy, qui n'a pas l'habitude de se battre comme Jimmy ça. Jimmy par terre. Qui visiblement saute un peu partout et n'importe comment est remonté du ballon par Ribéryche. Pense à moi. Ah oui, effectivement. Sans se cacher, d'ailleurs. Il est allé un peu fort, hein, Pépère. Ce sera donc un bon coup franc pour l'équipe de France. Avec une action dangereuse, là, à Dax. Même dit, il y a un match à Dax aussi. Ah oui ? Non ? Ah, je ne sais pas, écoutez, je vois. Dax, c'est la bourse, hein, à Francfort. Bien évidemment, c'est l'indice allemand. Nasdaq. C'est autre chose, Jacques. Oh là là, oui, Cardiff attaque. Cardiff attaque, sa mère. Attention, ce coup franc pour l'équipe de France, donc revenez au foot. Ah, pardon. Eh oui. Match amical, 0-0. Coup franc. Faiblement tiré, fortement, confortablement. Ah, je ne sais pas, choisis ton. Hein, confortablement, puisqu'il faut quand même donner un effet à ce ballon pour qu'il rentre et qu'il soit cadré en. Pour le gardien. Contournant le mur. C'est une frappe un petit peu bizarre. Là. Je ne sais pas s'il en a déjà tiré. Coup franc, c'est assez étonnant de le voir. Ici, dans cet exercice, Thierry Henry, seul téléspectateur aux États-Unis, doit rire devant sa télévision. Allez, cette touche pour Sport 2011, c'est parti. Ouh, Adidas qui a fait un coup à trois bandes. Il est là. Mais ça lui va très bien, finalement, ce maillot. Heureusement qu'il y a le brassard, sinon on ne le distinguerait pas vraiment. Fantomas. Fantomas. Le gardien français. Ah oui, mais quand il arrête, il arrête. Ah oui, non. Paul Dier, maintenant, hein, il est titulaire à plein temps. Hein. Excuse-moi, je ne pouvais pas répondre en même temps que... Je comprends, avec Circulation Française, Clermont-Ferrand qui recherche donc à nouveau Vichy. Oh, Vichy encore ! Vichy, non, mais toujours un peu de Vichy en France. Vichy, hein. Cette France, parfois en bulle. Bon, non, ça y est, Jacques s'embarque, les amis, donc attention. Attention, avec la France, les demi-français qui font le dessus. Il l'a dit, Ils ont tenté de passer par dessus l'American Way of Life, mais Robert Kennedy. Robert Plant qui monte. Yeah, ah, Bob, qui transmet magnifiquement. Bob Dylan. Ouais, Bob Dylan. Oh, le qui boss, va vite, boss, mais ouais, pas assez. Le boss. Le boss était court. Un peu. Ça va, les gars? Avec Mireille Mathieu. Si vous saviez, au cas où. Mireille Mathieu qui va donc faire la touche. Magnifique. Tout pour Johnny Hallyday. Franche équipe, hein, vraiment. Et franche, rigolade, avec le ballon remonté par. Avec Frédéric François. Ouais, Frédéric François qui cherche. Bien joué, Michel Delpech. Magnifique. Ah oui, Michel Sardou maintenant. Sur le côté droit. Super, ça c'est fluide. Ça, c'est top, ça. Au 50, on est bon, là, dans le top. Voilà, puis alors, c'est après que ça se gâte. Jusque-là, ça va. Après, c'est du fromage. Non, le hors-jeu. Allons. Le hors-jeu. Calimero. François Hardy est hors-jeu. Ce sera donc un renvoi tranquille de la part des Américains. Et c'est Robert Redford qui va effectuer ce renvoi. Prix de palme. De spasme, je dirais. Ah, pardon. De spasme. Ah bah oui, ça tremble un peu, le ballon est repris vers l'équipe de France. Ah, la mauvaise piquette. Mauvais vin qui lui a servi. Petit gare, ne ment. L'Amérique pimpant. Pimpant, on a oublié Joe Dassin dans l'équipe de France. FBI, non. Intervention secret. Oui, lequel? Rami. OSS. Rami 117. Ça. Double jeu. C'est ça. Los Americanos à la frontière. Très très bien là. Tente una frappa. Un rebond, dos rebond, mais ça sert à rien. Multi rebond. Mais que dalle. La France à la balle. France petite, France merdique, France frileuse, France peureuse. La pelota qui est relancée immédiatement par les Américains dans un jeu définitif et profond, je le répète, oui. Ils sont là, Et ce n'est pas les lucioles qui s'entraînent sur le bord de la pelouse confondue avec sa couleur de celle-ci. Qu'est-ce que ça va changer grand-chose ? Attention, alerte américaine avec les experts qui récupèrent. Ah, Horatio qui râle. Et c'est pour les Français. Inspecteur à la bavure. Non, vous pourriez quand même trouver mieux. Burma. Au moins Burma. Ouais. C'est vous, Burma. C'est vraiment Burma. C'est nos pas amis, la même chose. Nos amis américains. Oui, ben, ça y est, vous l'avez lâché. Je le sais, vous êtes à fond. Vous êtes Yankee. Los franceses que remontas la balas, pero no rápidamente, ¿eh? No, rápidamente, no. Que la bien, la cagado. Picote, cagada, sortida. Qué miseria, la gente de Francia, vela. Tipo agua la boutonnière bleue, ¿eh? La belle fleur, par contre, ta plante, elle est pourrie. Alors que dans le match de rugby, on fait rentrer la planche à billets, Jackie. C'est la voûte plantaire, non, ouais, qu'on fait rentrer. D'accord. C'est la voûte plantaire. Fausse alerte. Ouais, ouais, le score n'a pas changé. Hein, c'est ça. On score personne. Tu scores ce soir ? On voit gentiment ce qui s'est passé sur le Stade de France. Hein, je vous rappelle, nous sommes normalement. C'est ça, de temps en temps, nous partons. Ouais, partez. C'est pas loin, hein, le Stade de Racing n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Et donc, effectivement, on peut rapidement décrocher le ballon est dans le pied de l'équipe de France avec Mireille Mathieu en retrait pour Gérard Louvain. Magnifique, super. Non, c'était Hugo Frey, me semble-t-il. Et remontée française. Ah, Renault. Ah, quand même. Trouvez Maxime Le Forestier, pas mal. Oui, c'est vrai, après il y a des sérieux. Quand même. Oui, tout de même, Georges Brassens là-bas qui est tout seul. Oui, ouais. Toujours hors jeu, Georges. Hors jeu, Brassens. Voilà cette action ralentie par Jean-Louis Fine. Oui, Jean-Louis, vous le savez quand même. Vous savez comment il fait ses ralentis, Jean-Louis ? Ah oui, regardez la fin. Comment alors ? Non, ça je peux pas donner. Pas de secret, pas. Ça va pas, non. Mais il fait ses ralentis. Ah, attention, ça y est, on fait rentrer les. Pour vous, mesdames. Oui ! Ici la voile. À toute vapeur d'ailleurs, hein. American droite, Way of Life dans le camp français qui va centrer le premier, c'est toi, c'est lui, c'est nous, dire, US oui, Award. Oui, mais ils sont okay. Pas mal du tout, petit mais bon, ça fait rien. Ça profite. Ouais. Ça profite au fils de la République de France. C'est joliment dit. Ah oui, c'est beau. Les continue, enfants de la patrie oui. Qui montent et qui remontent ce petit ballon de cuir fait main, fait amour, fait de tendresse et de jeu et qui nous emballe toute l'année sur tous les terrains et sur toutes les températures. Une récupération dans la surface de réparation par Kim. Corner. Yeah, corner pour l'équipe de France, corner récupéré par miracle. Faut pas croire qu'ils aient fait une action sublime pour bénéficier de celui-ci. Non, c'est vraiment c'est plutôt le côté de Choun. Chouchoun et déchets américains, effectivement. Avec un essai nucléaire de plus côté français. Une tété au premier poteau. Oh là voilà, là, Sal. Ouais, tout. Oh. Il y a tout eu dans la tête. Le France dans ce deuxième mi-temps qui prend le bord. Qui pousse un peu, oui. Qui prend le bord. Et lui, alors, regarde s'il y va. Regarde, mais bon. Allez, tous au bar à nouveau. Pendant ce temps, ça remonte. Au rugby aussi, on se chamaille la gueule. Ah bon, oh là là, on se chamaille la gueule. C'est terrible ces images. Si les mamans regardent ça, je me demande si elles ont envie de mettre leur gamin quand même. T'as du teuteux ? Comment ? Non, mais dites donc. Mais ça ne va pas. Rejoins-moi derrière l'église. Hein ? Combien vous êtes ? On revoit cette faute sur l'équipe de France. Ribériche, pauvre. Ouais, je comprends qu'il n'ait pas voulu mettre vraiment la tête parce que soit il met le but et il s'écrase le crâne contre le poteau, soit il essaye un petit peu, mais au risque, tu parles, il a peur d'y aller. C'est difficile, hein. Il se fout la gueule pour pas l'avoir perdu. Le porteur 742. Et Jacques Feuillette, il vient de découvrir un livre chez lui. Non. Ah, ça, pardon. Non, je voulais donner une information tout à l'heure concernant cette équipe de France, si inspirée par tous ces. Toutes ces vagues d'immigration qui ont nourri ce club noble, cette république, qui a profité donc bien sûr de nombreuses vagues d'immigration. Et à ce titre, le Tactique Collectif vous propose une exposition à Ampalo, à la bibliothèque d'Ampalo. C'est là très bientôt, du mardi 15 novembre au mercredi 4 janvier, à la médiathèque donc d'Ampalo. La toute nouvelle, toute fraîche, toute belle. Ampalo Mediatek. Donc ça s'appelle, je ne l'ai pas sous le nez, si, tout à fait, enfin bref, c'est les Bleus et l'immigration. Il y aura d'ailleurs Bernard Lama le samedi 3 décembre à 11h30 du matin pour l'inauguration de cette exposition. Ah, je te fais pas chier. Combien c'était là? Ah, 0-0, pardon, non, le camp français, allemand, belge, non, que dis-je, américain. Ouais, dans le tout camp, simplement, camp on David. Frappe, on est surnombreux même, on oh, peut alors, rentrer, on fait c'est, tomber l'américain là-bas. C'est Pierre Larrour, là. Mais... L'efficacité française n'est pas de la dimension de la redoutable efficacité japonaise. Et pas goal. Les Gaillamantes refrappent, on essaye de décaniller du côté français, c'est terrible. Et finalement... C'était dangereux. C'était presque dedans, ça tremblote tellement c'était presque dedans. Il n'y a pas goal. Même d'ici, on le voit, l'angle suffit. Ça n'a pas dépassé. Ça n'a pas passé la ligne. Le camp français est heureux. Il fait vibrer son public, son peuple. Oui, il fait vibrer. Ah, oh, fais-moi vibrer. Oh, France. Eh ben, souffrance, oui. Le ballon est dans le pied de Ribéry, qui prend la balle, qui la donne magnifiquement. Il faut la laisser magnifique, c'est bon. Karim Mathieu, pense à moi. Mais on veut trop en faire. Allez, rebelote, on récupère ce ballon et on retente. Les gars, il faut peut-être en marquer un petit, ou alors une très très belle action. Bonne couverture et bonne récupération. On dirait qu'ils sont revenus, ils ont dû se faire un petit peu quand même. Allez, une très belle action. Il est sur le cas à la mi-temps. Et là, pour l'instant, ça va un petit peu mieux. Mais l'Américain est féroce en défense. Attention. Cleveland. Utah. Cleveland. Levan Cliff. Oui. Ils sont tous là. Récupéré par l'inspecteur La Bavure. Une fois de plus. C'est La Bavure. Avec Santonio qui déborde magnifiquement. Santonio qui y va, qui va seul. Oui. Commissaire Moulin, trop de con. T'étais. Non, arrêtez les frappes enroulées là. Enroulez plus, arrêtez d'enrouler. 0-0. Bien évidemment. Le score n'a pas changé en rugby H-Cup. C'est-à-dire qu'il est toujours de 17 à 14 et ce sont les Cardiffiens qui attaquent. Oui, ça bouge hein, ouais, ça, sur ouais, tous sur les le terrains. Rugby, non, surtout sur celui du rugby. Hein, ça. Tandis qu'en Grèce. Ça bouge à mort. Hein. En Grèce. On dégraisse, oui. Oh là. Arrêtez. Il a failli avoir bu, hein. Mais non, oh, il est derrière, il est décalé. Casse-toi, toi, tu me gênes. Ouais, image intéressante pour voir où ce ballon s'est accroché sur le terrain. On en est réduit à réclamer des pénalties du côté français et à sortir Galmero. Ah, voilà, c'est Giroud qui rentre. Giroud qui rentre. Ah, voilà. Il a fait un sacré lifting. Hein, sacré... Françoise Giroud. Non, et si tu veux, Jacques. Non, ils l'ont... Non. Et là, c'est Jean-Marie bon ballon, Giroud et... Bon ballon qui rentre. Bon ballon. Eh oui. Maxime, bon ballon. Ah ouais. D'accord, bon ballon. SM Villa, voilà, me voilà qui sort. Richard. Et c'est donc bon ballon qui rentre pour l'équipe de France. Merci, Jackie Le Husband. Alors, il faut expliquer, Claude Parent, que vous êtes l'un des pères fondateurs de l'architecture moderne. Absolument. Oui, il faut expliquer. Alors, Jackie, c'est vous qui avez inventé le carré à l'envers. En renversant le flanc. Le ballon est dans les pieds américains. Quin qui cherche Magnussen. Michael Quin, justement. Ah, Michael Quin. Michael Quin, qui devait être anglais peut-être plutôt. Stallone. Mais... Ah, ouais. Qui a mal fait son coup technique. Si, Stallone, c'était bien. Merci, Jacques, de commencer et finir tout ceci. La France. Ah ouais, non, mais sans aucune... La France qui a dépassé le... Qui a rien dépassé du tout. Le Cap Vert, mais pas plus. C'est l'autre qui monte avec Goodyear qui tentait lui aussi d'alerter un petit partenaire dans le dos de la défense, mais ça ne passe pas. Cadillac, mais ils n'étaient pas au poil. Vous avez déjà eu, oui, sur les sièges peut-être à la Cadillac. Je pense au Yak. Ah oui. Non. Sur BFM Business. C'est... Ouais, moi aussi j'y vais sur BFM Business tout de suite. Attention donc à ça. C'est qui Cadillac? Prospective. Ah. Bonne question, monsieur. Oui. Monsieur, oui. Ramix. Ray Ramix, qui transmet poliment à ses partenaires, mais qui ne trouve personne si ce n'est John Wayne. John Wayne qui récupère ce ballon. John Wayne qui tire très vite. Peter Stewart. Peter Stewart. Poursuivi par les oiseaux. Alfred. Ouais, Alfred Hitchcock. Ah, bien évidemment, pas. Ou alors si, il y a Albert un aussi. Un peu sous pression, Albert Einstein. Ah, ouais, vas-y, on va continuer comme ça. Oliver. Oliver Stone. Pourquoi pas. Je pensais à Laurel. Ou Hardy. Attention à ce ballon. Moi, je suis Stone. Ouais, bien évidemment. Bien évidemment, choisis ta poule. Le ballon récupéré par la France, tandis que la France de la tribune, bien évidemment, le peuple. Le peuple fait là-haut, là. C'est bientôt. Oh oui, c'est. Là. 61 minutes de jeu ici donc au Stade de France. Le fantôme, le capitaine de la formation tricolore, va relancer le jeu. Le fantôme plane. Toujours 0-0 entre les deux équipes, alors que du côté du rugby, les points tombent. Ah. Comme à Gravelotte. Effectivement, il y a de la réduction de score, de l'augmentation de rétrécissement, un peu de tout. Nous irons tout à l'heure sur les points. Oui, parce que pendant ce temps-là, je regarde un petit peu là, sur la pelouse française. Là, ça merdoit sérieusement. Hein. Le football le tricolore est en train de balbutier grave et de se faire mettre minable de tous les sens. Regarde-moi ça, la cavalcade du grand fou. L'autre est au centre, il récupère le ballon. Ouh, à défaut d'être en panne, ce foot français manque de panache. Et là, il manque de tout. Là. Il a même plus le ballon. Tu vois, c'est-à-dire, ça devient difficile. Alors. Allez, un coup de contre-attaque, sait-on jamais, même si on a eu un tir sur la transversale il y a quelques instants. Le France de Ribéry. Qui prend le ballon. Allez. Non, mais pas seul, arrêtez. Bien évidemment. Mais tu crois quoi que tu vas passer, que tu vas tout faire de seul? Attends, il y a quand même deux molosses de Milwaukee. Est-ce que l'autre, regarde-moi ça, amortit la poitrine. Je te distance l'un, je te lâche l'autre. Oh, je me fais. Sale tacle. Il s'est fait défoncer? Ouais, non, pas d'après vraiment. Monsieur 1000 milliards, il en faut plus. Hein, oui, il en faut plus pour effectivement. Pour siffler. Il en faut beaucoup plus à 1000 milliards. Oui, l'intérêt de monsieur 1000 milliards qui est difficile à compromettre par l'argent. C'est une excellente remarque, Jacques. Ça ne m'étonne pas de toi. Ça ne m'étonne pas de vous. Attention à cette petite attaque quand même américaine, parce que là, ils sont vexés, bien évidemment. Tout à l'heure, ils ont eu leur perle à rebours dans la surface de réparation. Et là, ils viennent avec le bombardement général. Ouais, ils nous tankinent. Oh, il a tenté le petit coup Vislard. C'est quoi ça, un tir centré, shoot. Un enveloppé de tir. Et en américain, tu dirais ça comment? Un rewind to kick. Ouais, bon, lui par contre, là, il a... hein? Ouais, Rémi. Il vérifie que tout est bien là. Rémi Christine Lagarde. Et c'est Ribéry qui sort, il n'en a plus. Il a tout donné, tout balancé sur la pelouse. Monsieur 1000 milliards lui a tout pris. Il n'a plus rien. C'était son intérêt. Et il fait rentrer un Rémi. Rémi, oui. FMI. Le FMI qui rentre pour sauver cette équipe de France aux abois. Oui, c'est ça, un peu, effectivement. Oula, mais il a tout changé. Benzen sort, Dean Martin rentre. Dean Martin qui rentre. Tiens, pour l'équipe de France, c'est curieux. C'est quand même un peu curieux. Qui avons-nous encore? Serge Lama qui attend. Tyson aussi qui est derrière. ils sont pratiquement tous là. Oui, ça te fait rire, Jack. Eh bien, nous allons aller prendre un petit jingle. Tiens, ça lui permettra de nous relaxer quelques instants. Il est exactement 22h26. À vous, les jingles. Bouchon, accordéon, rock, Sportaz. Comptez trois quarts d'heure de... Toulouse ou Bouchon, accordéon. Merci et vive la radio. Bouchon, accordéon, rock. Sportaz. Merci. D'accord. Ça merci à vous, ouais, merci beaucoup. Ça calme un peu l'oreille, mais pas trop le reste. Hein. Merci, non mais quand même, merci. Donc, une luciole continue de faire n'importe quoi autour de la pelouse. Et qui a un changement du côté, c'est Beckham qui sort. Beckham méconnaissable, hein. C'était pour qu'on le laisse un petit peu tranquille. C'est pour ça qu'ils ont besoin de moi. Eh oui, et c'est donc le voici Etienne Dow Jones. Il est tombé pour la France en 84. Excusez Jacques. Ouais, on a vu 4 maillots jaunes hein, du coup sur le col du harceleur. Grenadine pour tout le monde. Ouais. On a vu Ribéry qui était prêt à voter Strauss-Kahn. Hein. Jacques, c'est pas sympa. T'es pas gentil de dévoiler les intentions de vote de ces jeunes footballeurs. Déjà, tu devrais être content qu'ils votent. C'est des gens ouverts. Récupération du ballon par les Américains. Oui, effectivement, il y a ouvert. Quatre piles jaunes. Là, il y a quatre trucs atomiques sur le côté gauche du terrain qui font un petit peu peur, Jacques. Carnegie Hall. Jacques est en train de nous lire le générique d'un feuilleton. J'ai l'impression qu'il prend tous les acteurs pour des joueurs. Oui, avec la France qui attaque sur le côté droit. La France. La France qui centre. Ah oui, mais qui ne. Mais pas mal, dirais-je. La vigilance de la défense américaine, Jacques. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, je vais essayer de continuer à comprendre avec Peter Messi Meadow. Oh là là. Qui est l'américain, hein? Ouais, qui est l'américain, ouais. Américain. Ce sont les Français qui ont le ballon pendant ce temps-là. Hein, oui, comment sont les Américains, mais sont les Français qui récupèrent ce ballon. Alors, est-ce qu'ils ont la capacité loin, de pénétrer, loin, pénétrer regarde, mais c'est là où il faudra la percussion. Oui, cette ça. Petite balle en profondeur ça, qui tourne. Trouble. Ah, il tourne autour du bloc défensif américain. Ah, mais non, mais c'est pas bon ça, Coco. Allons. Les spectateurs vont quitter le cinéma. Allons, de l'action. Pas de vitesse. Voilà, une dose. Tu pars, regarde-moi ça. Allez, par Pasadena, vous avez qu'à passer. Pasadena. Jacques vous autorise Pasadena. Alors. C'est par Pasadena, bordel. Faut tout vous dire, putain. Texas, hein. Non, ah, ça, pas. Ça. Si, c'est pas ouais. Mal, ça. Le Sammy. Wisconsin. Sammy. C'est que dalle, ouais. Sammy, Rémi et Rami, du côté français, il ne manque plus que Romy. Tout simplement. Allez, joue chez Schneider. je vous attendais là-dessus. C'est une honte. Tout de suite, le journal. Ça n'existait pas. Ah, mais si, si, ça existe, le journal. Mais vous auriez pu laisser le générique, quand même. Oh, on est prêt à tout avaler, mais quand même. Ballon. Non. Oui, Jacques, oui. Ballon remonté vers l'équipe de France. Je me tais. Oui. Avec. J'étais repéré. French's head. Franchise. French's head. But recuperation for the. Ah, with Rockefeller. The Rockefeller port. Airport. Yes. Total 8 pounds maintenant. Winnipeg. Les Américains qui remontent, il faut faire attention, il faut bloquer le couloir de Le Marne. Alabama. Sinon, ils vont nous foutre la merde. Alabama. Wisconsin. Barack Alabama. Le futur président américain. Ouais, avec le gonfle dans le pied, oui. James Carter, youplaboum. Vas-y, James Carter, youplaboum. Un peu trop prospère sur le coup. Coquin. Et ça ne donnera rien, si c'est une petite frayeur dans le camp français. Voilà, on continue à insinuer le doute dans cette défense et dans cette équipe de France. Et au bout d'un moment, elle craquera. 0-0. Craquera. Responsabilité. Hein? Il décline toute responsabilité, sauf peut-être ici. Oh, France, toute seule, Rémi, dos, contre. Oh, Marqué, c'est à côté. Sorti. C'est pas marqué, c'est pas goal. Première action dangereuse c'est pas goal. Pour Giroud. Belle petite reprise de Rami, qui est tout. Giroud, qui défonce. Le magnéto-hydrodynamisme. Oui. Et le DVD Une expérience de Jean-Pierre Petit du CNRS montre qu'un engin propulsé par MHD peut passer le mur du son sans provoquer de bang. Pardon ? Bien sûr. Un bang ? Laissez-la parler. L'onde, il connaît. Veuillez noter que ce sont les 5 dernières secondes avant la fin du 10. Ah, pas du tout, madame. Ce sont bientôt les 20 dernières minutes de cette confrontation. C'est bientôt, bientôt. Les 70 minutes de jeu dans ce match amical. 11 novembre, 11-0-0. Pas veut, but. On pas veut but, novembre. Pas but, pas vu, pas vu, pas pris. Pas but, c'est pas dit. Pas but, oui. Le ballon récupéré tout simplement maintenant par la formation américaine. Ah ouais. Allez, vas-y. Et foncez. Et foncez. Poussif. Oh là, passe. Mais, oh là. Mais, vas-y l'arbitre. Américaine. Vas-y l'arbitre. A-t-elle vraiment des ressources pour mettre à mal cette équipe de France qui douche, qui est dans une économie des vassages par le euro qui est en doute, dans le doute, la bonne euro, la banque urbaine ne sait merci, pas ce qu'elle merci. Fait. Changement, vite. Vite, changement. C'est beaucoup plus cloisonné. Exactement, monsieur. Vous avez absolument raison. C'est beaucoup plus cloisonné. Sauf qu'ici, c'est donc Rich Hodger. Ouais, c'est Rich Hodger qui sort. Il change. Et c'est Ben Slay qui rentre. 3 moteurs. Ça se voit. Un moteur asiatique, moins cher, mais c'est tout aussi puissant. La France qui relance, bien sûr, avec plus 1,2. Déjà. Attention avec les devises coréennes qui s'ajoutent. La balance aux obligations chinoises. Effectivement, elle a du mal, la balance commerciale. Regarde, dès qu'elle rentre un petit peu dans la... Dans la prospérité. Mais attention à la révision du taux d'intérêt là-bas. Oui, ça redégage 2% et 2 milliards là-bas qui débordent. 2 milliards qui débordent. Ah, perdu par un salaud de trader. Si j'avais 100 000 euros. C'était la danse du fric. La danse du fric. C'est la danse du fric. C'est la danse du fric. La danse du fric. Mais vous êtes complètement en con, mes pauvres amis. Alors, le ballon va être dégagé par l'Américain. On écoute ce dégagement. Oh, magnifique petit dégagement. Ouh, tête superbe. Non, pas mal. Oh, oui. Oh, oh oui, au goal. Pop. Et voilà, goal. Jacqueline à la télécommande. Goal. Gentiment ralenti Jean-Louis sur une musique allemande absolument extraordinaire. Goal qui se dit tort en allemand. Bravo, c'est pas moi qui ai marqué. La France ouvre le score. Ouvre 1-0. Eh oui, c'est quand les cadors sont plus là que les Français marquent. 72e minute. Enfin voilà le but. J'appelle toutes les voitures, j'appelle toutes les voitures. 1-0. Klaxonner. Ce sera donc un coup franc au bénéfice des Américains qui se relèvent toujours, méfiez-vous. Ils sont là déjà présents pour égaliser. Ne vendons pas la peau des États avant de les avoir analysés. Oh, quelle action flash! Oui, c'était sympathique. Ah, vraiment. Une espèce de contre-attaque. Oui, en une. L'empire contre-attaque. En une microseconde, badaboum, et goal avec les Français qui mènent. Yes. Oh, qui se démène aussi maintenant un petit peu. Voilà, peut-être ça va leur donner l'envie. Et peut-être aussi. Je n'en veux plus, c'est plus, je me tire le fil. Oui, c'est vrai. Un peu. Remonté par Samy. Un peu de sérénité peut-être pour ces Américains qui méritaient pas tout à fait ça, bien que les Français redevenaient un peu dangereux. Oui, se tripotaient un petit peu la chignole. allons, pas tant que ça, tandis qu'au rugby, là, ça cartonne grave. Hein. Cardiff est en train de l'emporter sur le Racing 23-17. Ok. 0, il est 22h34. Ah, ok. Ah, mais vraiment, on a l'heure. Combien à 0? Le ballon est récupéré par personne. 1-0. 1-0, oui. 1 Combien de zéros après le 1-0? Toujours important de demander combien il y a de zéros. Derrière, oui. Enfin, en banque. Ce sera quoi, un corner, Jean-Louis? Une touche, un pétard mouillé, je ne sais pas c'est quoi. Un 1-2. Ah non, une touche. 1-3. C'est Mireille Mathieu qui va la faire, Mireille Mathieu qui se positionne. Oui, derrière Nicolas Sarkozy, voilà, bien placé dans les photos. La paix, sois sûr. Ah, c'est un dégagement, oui, m'excusez, c'est un vilain retour là de. Oui, de 72. Hein, et c'est ça qui a dirigé tout le temps ma vie. En plus. Récupération peut-être. American Way of Life Airlines Short. Number one. Hey. Number 1-0, en tous les cas, pour l'équipe de France. But de Romy. Et c'est Père Orade qui va faire cette remise en jeu. Alors, tu vois, ça m'étonne même que tu connaisses cette ville. Il y a des compagnies aujourd'hui qui investissent. Eh oui, à Père Orade. Père Orade, je salue. Jacques voyage dans le voisinage. Attention, parce que Mireille Mathieu s'est fait savater à la sortie du concert. Regardez, voilà, ça se passe là. Un client pas content, dirais-je, voyez-vous. Un client, un spectateur pas content qui vient lui saboter la cheville. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. La voix très du exactement. Nord. On voit ça lentement. Ce but au ralenti, il résiste à la charge du défenseur. Et il frappe intelligemment. En croisant son tir, c'est donc 1-0 pour l'équipe de France. Ça bravo Romy. Une chance inouïe que d'avoir Mireille Mathieu. Johnny Hallyday comme icône de cette France gagnante. Oh, je ne suis pas certain que ça reste encore des icônes quand même, Jacques. Il ne faut pas non plus. Travailler sur des projets, je crois que vous avez... Oui, c'est ça. Travailler sur des projets intéressants un petit peu plutôt que... Ressasser le passé. Ressasser le passé. Alors, quel objectif cette année ? Soutenir l'Euro. L'Euro 2012, bien sûr. Dès le mois de juin prochain, Sportaz soutiendra l'Euro 2012, bien sûr. Vous suivrez ici en direct de Toulouse ou d'ailleurs et d'ici. Nous serons là et vous serez sûrement par là. Avant, bien évidemment, la Coupe du Monde au Brésil en 2014 et le championnat d'Europe en France en 2016. Et qui sait si en 2020, nous ne vous proposerons pas une rétrospective. Donc on change les mollets et les cuisses hein, uniquement là, côté rugby. Hein. Jackie, vous nous mettez une ou deux cuisses de côté. Ah oui, regardez ça, hein. Il change que le mollet. Hein, change. D'accord. Voilà, c'est bien, c'est très le bien. Le score c'est... a changé. Voilà, hier, hein. Il fait le cul là, oui. Attendez, il y a une action américaine, American Action, mais Trade Union est tombé au sol alors qu'il y a 26-17 hein, pour Cardiff face au Racing Club de France. Il y a surtout un carton France. Jaune pour un défenseur français, donc à la peine. Donc à la peine dans cette confrontation, dans cette partie, carton jaune pour le jeune. Ouais, quoi, Richard Cocciante. Ils les auront fait tourner en bourrique pendant tout le, hein, pendant tout le match. Même s'il mène 1-0, l'équipe de France ne peut pas reculer trop fort. Elle a été salement malmenée, triturée. Oui, mais les anges du foot sont avec cette équipe de France. Les anges. On les connaît, non ? C'est que les USA en face. Blanc attire les anges. Comme Domenech le diable. Coffrin américain ! Oh, à côté. À côté, mais si c'est dedans, Cleloris complètement à côté. Oh. Allez, on tient le score côté français, 1-0. Joli Jean-Louis. On tient le score. Nul égal et pareil, 1-0. Et là, Ribéry, j'y pense, ça y est, il pense au pognon, vous le voyez. 1-0. Oui, Jacques, non. Oui, avec un nouveau tir français, pourquoi pas. Arrêtons la bariolade. On y croit quand même au tir et on a raison. C'est important de tirer dans ce ballon qui ne demande que ça. Un peu de vitesse, un peu de caresse et en avant, droit au but. C'est dedans, pourquoi pas. Un deuxième côté français. Ah oui, Jean-Louis. Action, ralenti Jean-Louis, merci, c'est reparti. French people. Ah, qui semble retrouver un petit peu de suprématie dans le domaine aérien. Entendez-vous par là ? Je veux dire qu'au niveau du jeu de tête, ils sont un peu plus présents. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais joliment. Ah, oh, faites pas chier. C'est ce que je disais. Alors que les Indiens arrivent. Et là, on pourrait bien marquer tranquillement. Les Indiens qu'on gerbe. La défense ne l'a pas voulu. Émile Milliard a une façon curieuse de signaler les coups francs tout de même, effectivement. Jacques, il a une tendinite, ouais. Il tend à tendre. Oui, c'est peut-être un problème de chrono. Les enfants ? Oui. À table ! Tout de suite, on peut pas, maman. 10 minutes. 10 minutes, on arrive. Par les gestes de l'amour, un couple peut être lié pour la plus extraordinaire des aventures, celle qui transmet la vie. Oh là là. Oui, maman. Dit comme ça, ça fait peur. Les Français qui n'ont pas tellement profité de ce coup de pied arrêté, pas de combinaison. Ils vont reprendre un carton immédiatement derrière. Alors peut-être qu'ils l'avaient déjà pris avant. Qui? Non, c'est qui? Un autre. Allez. American? Non, le France. France. Le défense français qui se charge. Merde. Tu fais la faute. C'est honte. Qui perd le contrôle, c'est le contrôle. Shame on you. Mmh. Oh là là. Fuck you, effectivement. Effectivement. Ah, ils leur font subir les outrages de l'économie. On revoit cette action de Eva Joly sur François Hollande. Un gros tacle. Suffit d'être. Oui. Ça refroidit le moteur. Le réacteur même. Jackie, n'explosez pas, Jackie. Je sais que vous êtes au bord de l'implosion. J'avais pas pris vos pilules. C'est pas ça, c'est qu'à regarder deux matchs à la fois, j'ai les yeux qui commencent à diverger, grave, tu comprends. Ok, je vois, ça diverge. Ouais, ouais, hein? 26-20, 26-20 pour Cardiff. Au-dessus hein, de la mêlée, en tout cas. Juste là, hein, au ras de ton Discord. Corner pour les Américains. Excuse-moi, Jacques, je m'emballe. Je suis ce match à mort. Non, allons-y pour Catherine Deneuve à la défense française. Car l'Américain va marquer avec voilà. Peter Kipper et Stevenson. Il est cramé, non, Jacques, il est un peu cramé. Pardon. Ils l'ont sorti. Nous avons Peter Sellers, donc. Qui va taper ce corner. Chercher James Brown. Et son fameux get up. Là, il n'a pas pu get up. Non. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu, galop, du galop. Coup, c'est Patrick Hernandez qui récupère pour la France. Et qui l'a magnifiquement. C'est ça aussi le niveau de la musique en France. Oui, en live. Michel Legrand, quand même, relève le gant. Pas pour longtemps. Jimmy Harrison récupère cette balle en touche pour les Américains. Vous arrêtez vos conneries, oui. Vous allez nous faire toute la discothèque. Oh oui, on peut s'entraîner. Il est temps de remonter les pendules à l'heure. Alors, je voudrais m'insurger contre cette. On ne dit pas il est temps de remonter les pendules à l'heure. On dit soit on remet les pendules à l'heure, soit on remonte les pendules. Mais jamais je n'ai entendu de remonter les pendules à l'heure. Et d'ailleurs, je vous remonte. C'est un con. Je n'ai pas tout écouté, Jackie, mais vous avez raison. C'était intéressant. Vous avez raison. Non. Le ballon il reviendra dès qu'on a le temps. Non. Non. Non, non, Américain avec Peter, comment il s'appelle, l'autre mec qui tirait au fusil là et tout. Steve McQueen, voilà. Steve McQueen, tout droit, tout seul pour Michael Bronson. Oh là là, là. Charme. Enfin. Centres, ils ont le centre un peu tordu. Heureusement, on a Michel Piccoli hein, qui fait le boulot. Qui fait ce qu'il faut. Voilà, Alain Delon au centre, ça va. Oh, il était seul, il pouvait remettre ou jouer pour lui-même. Avec Roger Coudert là-bas, qui fait un streaking. Et qui perd la balle, du coup, et qui perd même, qui en perd un petit peu tout. Ça sera une touche au bénéfice des Français, mais dans la souffrance. Un petit zéro seulement, dirais-je. Regarde, il est seul pour ce ballon, il peut le jouer pour lui-même. Non, il essaye, pourquoi pas, d'aller le mettre au partenaire. Non, je te parle. Luciano Pavarotti est encore enceinte. Oh merde. Ça c'est une news avec Rémi Fix. Rémi Fix pour JFK, non. Ah non, ça, canon, c'est... non. Non, là c'est JFK, non. François H. Avec qui l'ont monté de Bernard Ménez, bien sûr. Bernard Ménez qui dit magnifique. Ça, là, c'est là, beau, trop ça, professionnalisme, la taille du crampon, Jacques. Tu vois, elle peut à un moment donné te. Tu penses qu'il lui a glissé quelque chose. Regarde, ça il est bien, oui. Ouais. Ah, c'est une honte, à ce niveau-là, c'est une honte. Oula, les basses. Oui, ça commence à nous envoyer grave ces deux parties. Quel choisiriez-vous, Jackie, quel préférez-vous, le foot, le rugby ce soir? Ah, écoutez, je suis partagé, hein, parce qu'il y a du mouvement, tout ça, j'ai les yeux explosés, voyez-vous, j'ai la mal à la tête, je ne suis pas bien, je me sens mal, je vais rester ici. Alors, attention à ce que vous dites. J'aime bien le rugby et j'aime bien le football. D'accord, merci Jackie. Ne vous mouillez pas comme David, merci. Ballon pour les Américains qui vont baisser. Niagara là-bas qui fuit la réalité et qui sait où aller. C'est-à-dire à l'échec. Je te laissais finir parce que j'avoue, je voulais voir quand même jusqu'où tu pouvais. Il savait qu'il faisait une action qui n'aboutirait pas. Oui. Et voilà, c'est ça aussi. L'équipe de France qui repart avec le destin des joueurs moyens. Don Rami. Oui, Don Rami au sol. Oui, au sol. Qui s'est fait arpenter la gueule par l'attaquant adverse qui, pour une fois, allez. Qui prend 25 points quand même. Voilà. Sur cette action, oui, 50 points sur cette action, même s'il perd le ballon, effectivement. 50 points pour ce joueur, l'action monte donc. Hein, la c'est France ça. Avec le MEDEF. CNBF. Oui, je ne vois pas ce qu'il vient foutre le patronat dans cette partie, Jacques. Assez jeté. Qui met sur la pelouse, toi. Oui. Les associations caritatives aussi. C'est le moment de discuter, de dialoguer. De parler, de confronter. Bien sûr, d'améliorer. De sortir du merdier. Et de réfléchir. Pas comme des pieds. Et d'être les meilleurs. Et ta sœur. Merci, Jackie. C'est sûr. Ballon récupéré par la France. Le France. C'est le cette France. Musique derrière qui est en train qui nous finit le match, en qui fait. Qui nous décapite. cette espèce de passe derrière qui ronge la guille, hein, tentant de nous sortir du match, tout simplement. Ça nous dance florise. Ça nous euphlorise. Alors là, oui, mais la main, mais bon. Et je pense que la main vient frapper le visage et qu'ensuite il a bobo. Ah, il lève la main, mais il a mal quand même pour celui à qui il a fait mal. Mike Tyson. Oui, vainqueur, triple champion du monde en une fois. Jamais égalé depuis d'ailleurs, il faut le préciser. Et on voit un ralenti que Jean-Louis n'a pas payé et on voit pourquoi. Et c'est cette et musique. On voit pourquoi il ne l'a pas payé. Toujours à l'arrêt France. Je te dance floor. 86 minutes de jeu, il y aura quelques arrêts supplémentaires bien évidemment, un temps additionnel, mais l'équipe de France est petite. Et... Je n'avais encore jamais éprouvé cette sensation. C'est vrai ? Non. Sportage. Et très bon, oui, c'est vrai. C'est faux. Oh, je sais, mon sang, c'est désespérant. Non, c'est faux. Sportage. C'est vrai. Vraiment dance floor. Va, c'est dance floor. On va rester dans les basses. Ah oui. Ballon récupéré. Tu me dis par qui tu me dis l'American Way bien. Of Life. Yeah. Avec Jimmy Connors. Tiens, dont on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant. Mais on avait notre revers. Ouais, c'est vrai. Il était discret. Il n'était pas encore monté au filet. Mais le voici sur le côté droit maintenant. Oui, voilà, Jimmy. Page. Oui. Joli petit crochet, il lui permet de revenir vers l'intérieur, d'ouvrir le camp à son défenseur. Mais celui-ci est pris par la défense. Magnifique française d'abnégation, d'altruisme. Heureusement. De conscience professionnelle, de respect de la patrie. Magnifique défense. Bravo quand même, hein, parce que l'action américaine. Merci. Avait du poids. Le gardien qui fait peur. Oui, qui n'en pense pas moins en tout cas. Qui jette des sorts. Ah, je crois que vous allez dire Jackie. Non, Jackie, je vous entends. Prenez-en. Je prends ce but. Allez-y, prenez-en. Je prends ce petit but maintenant. Non. Ouh là là. Ou cet essai. Ah. Hein, le Racing. Racing qui se donne à les marquer. Hein. Toujours 6 points d'écart. Et nous sommes dans les arrêts de jeu, autrement dit, dès que le ballon est perdu, le match est terminé. Nous finissons avec vous, Jackie. Oh non, laissez-moi tranquille. allez chez vous, ouais. Et lâchez-moi un peu là. Non, sérieux là. Le ballon est perdu là, avec les jeunes de l'équipe de France. Ouais. Giroud. Et bon ballon. Giroud pour un centre. Pour Bayrou peut-être. C'est pas Giroud au corner, Jacques. Alors vas-y, maintenant applique-toi. Oui, la tête d'Anelka. Mais... Recorner. Signalé en tous les cas par monsieur 1000 et 1000 milliards, effectivement. C'est un défenseur américain qui met ce ballon en corner. Toujours 1-0 entre l'équipe de France et les USA, mais qu'ils ont souffert pour marquer et tenir. Recorner avec Murrow. Le premier poteau, ça repousse. Mais ça revient dans le pied bleu. Oui, c'est tranquille. Hein. Petit retour tranquille dans les pieds de Bernard Ménez qui trouve Serge Lama qui perd le ballon, merde! Ouais, qui récupère par les Américains qui obtiennent la touche. Tandis que du côté de mes trucs, c'est fini, hein. Cardiff a gagné. Cardiff a battu le Racing sur ses terres. H-Cup! Comme on dit, hein, ouais, H-Cup! H-Cup! On dit H-Cup! Ah, tout à l'heure c'était 7. Ah ouais, 7,3%. On a augmenté, merci à vous de nous écouter. D'ailleurs, combien est-ce que tu peux nous préciser, Jacques, le chiffre exact pour les huissiers? Ce serait une touche au bénéfice des Américains. Qui se la font gentiment, mais qui se la font piquer aussi. Hein. Picamol. Picamol. 4 minutes d'arrêt de jeu, mais vous croyez qu'on a que ça à foutre? 4 minutes d'arrêt de jeu pour un match amical. Ouh, 1-0 pour la Francia. Et on a fait un petit pic à neuf avec Benzema qui est sur le banc de touche, qui a fait le boulot. Deux erreurs. Non, 1-0. 1-0, deux erreurs. Ah, pardon. Avec le ballon qui sera mis aux enchères, hein, juste après ce match. Donc, un ballon qui sera mis aux enchères. Qui finira dans un restaurant, effectivement. En civet. Le cuir est entanné, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu et c'est blanc en but à côté. Il aurait pu ouvrir le score pour sa première sélection. Giroud. Guitou. Ah, il se retrouve en position, ça. Il a quand même bien tenté ça. Il a aligné sa tente. Il met ce qu'il faut, hein, mais à côté, dommage. Bonne tentative du jeune promu bleu, voilà, avec American Way of Life. Qui remonte, mais ça devient quand même de plus en plus difficile pour les Yankees. Lehman Brothers. Ok. Wade Smith. Wesh. Mireille Paro, Mireille Mathieu, fantastique. Mireille Mathieu qui sait jouer du micro. Ah, il y a de la jambe. La France. Bravo Mireille. Qui récupère avec Général Leclerc. Général Leclerc immense. Oui, en promotion cette semaine, avec les Canevas. Dans Rami. Oui, dans Rami. Profondeur dans l'axe. Ça circule bien sur le côté gauche. Bernard Menez. Bernardo Grampon. Bien. Ça vient la tête, la tête à 40 qui sort. C'est baby foot maintenant, c'est baby foot. Et que c'est 0-0. Belle action, non? Ah, que c'est? Le parquet de Lino. C'est. Ah! Toujours 1-0. Toujours 1-0 pour l'équipe de France ici. Dans une folle cadence. Toujours 1-0. On est dans le train. Toujours 1-0. Toujours 1-0. Toujours 1-0. Toujours 1-0. France USA. Toujours 1-0. 1-0 pour l'équipe de France ici à Saint-Denis. Yeah. Face aux États-Unis. Toi-même du USA. Oh, il y avait position de hors-jeu, mais alors sinon il lui avait échappé comme le diable. Échappé depuis toujours. Ah, l'enfer. Une des dernières interventions de monsieur Mille Milliards qui capitole. Mille Milliards. Il lui avait bien échappé, effectivement. Il l'aura fait souffrir tout au long de la partie au jeune défenseur tricolore. Ma foi, c'est de l'expérience qui rentre. Comment tu dis ça? Ok, avec la France, Rémi. Esta, señor Rémi. Rémi. Oh. L'ami, doucement, l'ami. Et que ça va finir sur le poteau là-bas, peut-être un corner pour l'équipe de France, pourquoi pas. Voilà, allez, un dernier petit mouvement. Alors, à moins que monsieur Émile Milliard en ait assez dans les poches. Peut-être. Il décide de finir. Oui, c'est pas qu'il en a assez, c'est qu'il ne peut plus en mettre. Quoi, en gros. C'est plus, allez, c'est Doc, Doc Martin. Yes. Va faire cette dernière action avec ce corner. Il y a du vent. Hein. C'est parti. Chouk. 1, 2, 3, 8. Ouais. Oh, parada. Et relance. Petite contre-attaque. Tout le monde demande que ça s'arrête. Oui, que fini, soit fini. Tellement la peur du côté français d'en prendre un contre. Peut-être pas. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Bon. On va s'en contenter, hein. Ouais. Peut mieux faire. Petite partie, mais bon. Hein, on fait les interviews, non? Ouais, il y a peut-être quelques informations pour les prochains matchs, surtout ce France-Belgique que nous ne ferons pas, mais nous reviendrons sûrement pour un match de Coupe d'Europe de rugby ou un foot féminin ou que sais-je, un truc important. Alors vous vous intéressez à tous les sports, hein, y compris le curling. Ah ça c'est mon péché mignon. J'entends la maison, je regarde la télé, je fais du sport et là j'ai tout parce que ça me plaît terriblement, il y a tout dans le sport, vous savez, des fois. On est surpris, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il se passe plein de choses. Alors c'est ça, j'aime tous les sports, votre question est ma merde, c'est agréable, je peux vous le dire. Parce que pour aller travailler là-dessus, il faut quand même y réfléchir à deux fois avant d'essayer la série. Tu me remets la caméra, et là, ça c'est une question, la sacrée question. Alors vous avez joué au FC Bologne, et en matière de cuisine, il paraît que vous êtes très bon à la bolognaise, vous pouvez nous indiquer. Ce qui va se passer, Coco, c'est que je vais finir par appeler videur. On va te vider. On va être obligé de t'évacuer du plateau parce que là, moi, je n'aime pas les questions comme ça. Là. Je suis un professionnel. Faut que tu fasses attention. Là, tu vois, je te préviens lundi, mais ça va pas durer l'affaire. Tu vas te faire évacuer, moi, je te le dis. Et le Qatar, ça t'intéresse comme entre équipe? On a été coupé, les gars. Parce que ça allait dégénérer. Ça allait dégénérer, je pense qu'on n'a pas vu les baffles. Jackie, Vous rentrez, hein, vous rentrez. Je rentre où? Oh, là, il lit le journal dans les buts. Le gardien américain lit le journal dans les buts, c'est vous dire. Attention. Merci. En direct de Washington tout à l'heure, mais là, pour finir ce match. Qui est fini d'ailleurs. Oh oui, c'est fini. Oui. Match amical, 11 novembre. Bon, ah, ça ne se cool. refuse pas toujours. On était là. Ça ne s'impose pas forcément, mais ça ne se refuse pas toujours. Ouais, bah c'est sympa de venir pour faire armistice, là. C'est bien de fêter les vieux qui sont pétés la gueule là-bas, quoi, parce que ouais, y a le foot, c'est bien. C'est pas la guerre, le foot. La guerre, ils finissent là, les tranchées, les mecs et tout, c'est la merde, là. Non, c'est le foot, quoi, voilà. Donc c'est bien de venir jouer ce soir avec les amis, tout ça, de faire un match de charité. Et super sympa, et de marquer en plus le but de la victoire, comme à 14-18. Mais toi, tu joues à mort dans ta console, non? Counter Strike, quoi, tu canardes, toi, non? Ah, mais non, je canarde pas, là, c'est vachement plus subtil. Défonce tout! La console, ça défonce un peu trop, non? S'il vous plaît, messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Les interviews sont terminées, le match est terminé. Vous allez rentrer chez vous. Et les derniers instants de. J'aime beaucoup cette. Merci, allô. Merci. Allô. Tout le monde se remercie, mais tout le monde ne s'est pas tout à fait compris. Non. C'est un peu ça le quotidien que nous vivons sur cette planète, cette mondialisation qui nous prend la tête. Mais heureusement, il y a un peu de sport pour faire un peu moins d'efforts, pour réfléchir de l'avenir. Eh oui, c'est super, oui, c'est super. On a passé un super moment avec Philippe, Hervé, Christian, Jacques, David, Jackie. Bien joué, merci les gars, on a passé un bon moment. Oui, c'est vrai, alors Jackie, merci. Froid, toi, là. Non, c'est pas tout ça, mais quand même, à un moment donné, il faut... Oui, à un moment donné, il faut couper. Peut-être le dernier match de l'année, qui sait. On ne saura jamais assez vous remercier. Non, aux alentours du 20 novembre, un truc comme ça, non, il n'y aurait pas. Peut-être. Ciao. Et pour ce soir, le Sparta 742, le France-USA, match amical de football. 1-0 est terminé. So, bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Hey, bonsoir, monsieur. Allez, plie tout, petit, on se bat. Jean-Louis va te démaquiller maintenant.